Et ça, Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, le drame s'est produit hier à la sortie des cours dans l'enceinte d'un lycée. La victime a été poignardée dans le dos par un autre lycéen du même âge. L'agresseur était en garde à vue. Il avait 3 couteaux sur lui et n'a pas encore expliqué les raisons de son geste. La jeune fille est dans un état très critique ce matin et son pronostic vital est fortement engagé. Faut-il autoriser les lycéens à fumer dans l'enceinte de leur établissement? C'est le casse-tête des proviseurs là depuis la rentrée. Les lycéens n'ont pas le droit de fumer au bahut, mais en même temps, le plan Vigipirate leur interdit de se regrouper en dehors. Certains chefs d'établissement demande donc le retour de la clope dans la cour. Fin de non-recevoir de la ministre de l'Éducation. Najat Vallaud-Belkacem estime qu'on ne peut pas renoncer à la loi Evin. Non, elle ne s'est pas évanouie, elle a juste eu un petit vertige. Hillary Clinton s'est exprimée au téléphone hier sur la chaîne américaine CNN pour rassurer tout le monde sur son état de santé. La candidate démocrate à la présidentielle américaine assure que tout va bien et qu'elle se repose. Elle reprendra sa campagne dès cette semaine et aujourd'hui et demain, elle sera remplacée par son mari, l'ancien président Bill Clinton. Le grand soir pour Paris, surtout pour les fans parisiens, le PSG entre de plein pied dans la Champions League. Les hommes d'Unai Emery accueillent les Gunners d'Arsenal ce soir à 20h45. Eh bien oui, ce sera sans Hatem Ben Arfa qui suivra le match depuis les tribunes du parc. Le coach a décidé de ne pas le retenir dans sa liste. Sa prestation contre Saint-Etienne vendredi soir ne l'a pas convaincu. Il avait demandé avant le match d'être moins personnel, plus collectif. Il n'a donc pas été séduit par la prestation. Un coup dur pour l'ancien Niçois et un malaise qui semble de plus en plus profond avec l'entraîneur. Rendez-vous ce soir dans la Radio Libre pour suivre tout ça en direct. Quand la crise. Ah, bientôt peut-être. Hein. Bientôt peut-être. Bon, on verra ce soir en tout cas. Si ce soir ça passe, ça ira. Ouais. Le PSG contre Arsenal, match à suivre dans la Radio Libre sur Sky. Il est 6h du matin, à tout à l'heure, Rémi. Ouais. 6h du matin, c'est parti en direct pour le morning, on est là. 1-2-1-2, c'est le Black M en personne, toujours connecté dans le morning de D-Fool. What up, Jay-Z. C'est Ritza dans le morning de D-Fool. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Oh là là, il fait chaud. Chaud les marrons, chaud. Vous avez ouais, chaud, caliente. C'est vous aussi, non? Non, parce que Cariole a fait des aérations dans la maison pour qu'on n'ait pas chaud la nuit. Oh, Cariole, bonsoir, bonjour. Bonjour. Tu as fait une petite aération, comment vas-tu? Bah, ça va, merci. Ça va bien, bienvenue à toi, Cariole. Bonjour, merci. Sam. Bonjour les réseaux sociaux. Bonjour le hashtag Le Morning de D-Fool. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui venez de vous réveiller, qui êtes branchés sur Skyrock ce matin. Content d'être avec vous. On salue d'ailleurs ceux qui sont là, ils sont déjà sur le 41759 ou sur l'appli. Bonjour à Niro, bonjour à Lokium qui vient d'arriver, à Mike du 94 qui nous attend depuis 3h du matin. Ah oui, t'as démarré de ta fête à 3h du matin, toi. Ça fait du bien. Bah ça y est, on est là en direct et jusqu'à 9h. Ouais. Plein de choses à faire ce matin, voir ce qui s'est passé dans le monde. Vous offrir des iPhone 7, on en aura un premier à vous offrir tout à l'heure à 6h20. Ça va pas tarder, d'ici un petit quart d'heure, on jouera à l'invité mystère. Préparez-vous à découvrir l'invité mystère. On est prêt. Sinon, les conseils pas chers, on s'en occupera. Mais avec toi, Romano, le nouvel horaire des conseils pas chers en ce New Morning. Ah bah, les premiers, ce sera à 6h40. En cette nouvelle saison, c'est à 6h40 tous les matins. Et oui, il y a maintenant des conseils pas chers entre 6h et 7h, Romano. Et t'as gratté des conseils pas chers en plus. Et je vous présenterai une nouvelle arnaque. Une arnaque qu'on appelle l'arnaque à l'irlandaise. Ah, on va donc faire un test d'arnaque. Tu nous expliques comment marche une arnaque et après tu fais la démonstration. Exactement. Très bien, c'est nouveau, c'est dans les conseils pas chers. C'est à retrouver tout à l'heure sur Skyrock. Et du son pour se réveiller, on aura du Major Lazer, du Soprano, du Mike Posner, du Ken Jones. Je vois Rihanna qui pottera son nez aussi, du Drake, du Lil Wayne, du Wiz Khalifa. Et même du Drake d'ailleurs pour démarrer la matinée. C'est One Dance qu'on vous a préparé. Et puis je vous ai pas parlé de quelque chose de très important, c'est les 1 500 euros. Et hier, pour bien démarrer la semaine, c'est tombé deux fois. Ouais. Deux fois 1 500 euros qui sont tombés. C'est tombé à Bayonne chez Florian, bravo Florian. Et c'est tombé à Créteil chez Ophélie. Ophélie qui s'était inscrite au 7-20-20. Oui, et vous pouvez vous inscrire. Ah, là voici le petit conseil argent de Romano. Avant ses conseils pas chers, il ne peut pas se retenir. Un petit tuyau pour multiplier vos chances de gagner. Oui. Envoyez 1 500 au 7-20-20. Et voilà, c'est facile. Et Ophélie, ce qu'elle a fait, elle a gagné 1 500 euros. Écoutez, on t'appelle parce qu'on t'a tiré au sort et surtout pour t'offrir 1 500 euros, Ophélie. Oui, bonjour Skyrock. Bonjour Ophélie. Bon, ben, je vais quand même te poser la question pour faire les choses bien. On fait les choses bien. Hein. La question officielle, la voici. Quelle est ta radio préférée, Ophélie? Ma radio préférée est Skyrock. Et tu gagnes 1 500 euros, Ophélie. Ouais, bravo. Bien joué. Super, merci beaucoup. Et voilà, 1 500 euros. T'avais presque l'air heureux quand t'as offert les 1 500 euros, Romano. Ça me fait plaisir. Ça rend tout le monde heureux. Ce jeu, c'est magnifique. Ah, mais magnifique. Euros. Moi, j'adore donner de l'argent. Oui, bah, je sais. 6h30, premier rendez-vous avec les 1 500 euros. Hein. C'est toutes les demi-heures, toute la matinée. Et dans un instant, le réveil de star. Quelle est la star qui va réveiller les Français? Une star féminine, une star française, une star qui est passée à la télé hier soir. De qui s'agit-il? Bah, c'est quoi? C'est le machin, l'amour est dans le pré. Bonjour! Ah bah mais c'est ça. Oui, c'est Karine bonjour. Le Marchand. C'est Karine Le Marchand. Bonjour Karine. Tu te reconnais dans cette appellation ? Karine Le Marchand, non, c'est toi qui dois te reconnaître, c'est elle. Hein. C'est, oui, oui, c'est bien elle. Karine Le Marchand. On va la retrouver, c'est elle qui va réveiller les familles de France. Bon, c'est plutôt agréable de se faire réveiller par Karine Le Marchand. Hein. Oui. Hein, imaginez les gars, elle est à côté de vous en vous réveillant ce matin, ça va hein. Oui, il y a pire. Oui, il faut pas qu'elle vienne avec les animaux. Je parle des animaux, enfin des animaux de la ferme. Hein. Ouais, ouais. Qui a dans son émission. Hein. Parce que tu te réveilles à côté d'un porc ou d'un veau, Carriole, ça peut te faire bizarre. Ah bah non, mais Carriole, elle serait contente. À côté de Karine Le Marchand, c'est quand même mieux, je trouve. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Merci Karine. Bon, ben on va la retrouver. Karine Le Marchand, l'amour est dans le pré. Et les familles de France, comment elles vont réagir, on saura après Drake. Hein. À 6h05 déjà, Drake et One Dance. C'est sur Skyrock dans le morning. Bonne journée à vous, bon mardi. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, il est bon ce morceau pour se réveiller. C'était un petit Drake à 6h08. Bonne journée à vous. Et on file à la campagne ce matin avec Karine Marchand. Tu l'as fait beaucoup rire quand tu fais la vache. Ah bah, Karine, tu as bien aimé, il est mignon hein, ce Romano. Hein. Ça y est, je craque, c'est ça. Ah, bah, ça y est. Attends, ouais. Je vais t'en faire une autre. Viens faire un câlin, tata caca. Viens faire un câlin, tata caca. Elle est quand même spéciale. Hein. L'amour est dans le pré. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette émission. Carriole, tu as regardé hier soir spécialement pour nous. Tu savais qu'on allait en parler dans le morning. C'est vrai. Alors, comment ça s'est passé? T'as remarqué qu'il y avait des chiens dans l'émission. C'est le premier message qu'elle m'a envoyé hier soir. Regarde, elle m'envoie une capture d'écran et derrière. Elle... Bon, deux chiens. Non, un mec, une meuf. Ah oui, mais les deux chiens surtout. Et derrière, elle me fait les deux chiens. Elle me fait regarde les deux animaux. Je fais mais ce sont des humains, Carriole. Elle me fait non, les chiens qui sont derrière. Bien, mais ça y est, ça copule. Non, pas encore. Mais ça copule au bout de combien d'épisodes ce machin? C'est le contraire d'un film de YouPorn. Non, là, ils sont encore un mec et deux meufs encore. Ouais. Parce que enfin, YouPorn, au bout de deux minutes, ils sont déjà au lit, ou même au bout de 10 secondes, ils sont déjà au lit. L'amour est dans le pré, ils mettent des heures et des heures. Oui, mais c'est pas une émission porno non plus. Eh bien, c'est bien dommage. Ah, ils en sont encore, genre, les agriculteurs, ils ont reçu les deux prétendants et les deux prétendantes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc là, ouais, ça commence à gueuler un peu ou pas? Un peu, ça commence. Ouais, je vous présente Lauriane, la prétendante. Bonjour Lauriane, bienvenue dans l'amour et dans le pré, qui est en train de draguer Gérard, Gérard le prétendant. Oh, Gérard est chaud. Hein. Gérard est très très excité. Hein. Bonjour Gérard. Gérard est même en rut. Oui, Gérard est en rut. Imaginez Gérard qui monte sur la belle Lauriane. Magnifique. Bon, et là maintenant c'est la maîtresse de ces lieux, celle qui s'occupe de tout ça, Karine Le Marchand, qu'on va retrouver avec nous. Autrement dit, comme elle se fait appeler Kaka. Tata Kaka, c'est ça. Karine ou Karim, tu veux pas qu'on t'appelle Kaka ce matin? Ah non, ce serait, c'est cool. Envoyez-lui c'est des gentil, messages. Salut Kaka. Salut Kaka. Salut Kaka. Allez. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Réveil de star, il est 7h10. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et Karine Le Marchand va réveiller Didier ce matin. Oh bah dis donc, Didier est gâté. Il en a de la chance, Didier. Ouais. Hein. C'est l'amour est dans le pré ce matin. Très bucolique Skyrock à 6h10. Oui, allô. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Tu fais un peu Baba Cool. Baba Cool. Tu te reconnais dans cette appellation? Mais disons, t'as un langage. T'es pas Baba Cool? Non, et qu'est-ce que tu veux? T'es plutôt pas mal, hein? Ah bon? Bah donc ça va, t'as du succès avec les filles. Ouais. Tu vas souvent dans les soirées, tout ça? Ouais. Tu danses? Pas trop. Qu'est-ce que tu préfères danser, toi? Le slow, tout ce qui colle, tout ce qui frotte, voilà. On ne boit pas que des diabolos fraises. Et est-ce que tu baises? Hein? Je suis plus de panthère. Ah bon, t'aimes le sexe? Le sexe est partout. Et t'es où, alors? Et t'es où, là? Pour qu'on se voit. En Normandie. Et t'aimes le sexe? Je suis excitée comme une puce. Hein? Non, mais attends, je suis marié, j'ai une femme. Hein? Ah bah non. Oui. Ah bah oui. Hein? Viens faire un câlin, tata caca. Ah ben, j'ai pas envie de tromper ma femme. Ça y est, je craque, c'est ça? Avance pas la tête, non? Ah, oula. Je suis animatrice, mais je suis pas totalement neuneux. Qui c'est que cette connerie-là? Qui c'est que cette connerie-là? Mais il se laissait draguer, le Didier, dis donc. Par contre, il y a la femme qui a mis Léola. Il était chaud. Oui, la femme est arrivée, elle a refroidi un peu la conversation. Autrement, elle était partie. D'ailleurs, Didier, la femme avait une voix d'homme, plus que Didier. Oh non. C'est vrai, elle était très virile. Allô, qui c'est que c'est? Oui, c'était la femme de Didier. Mais dites donc, j'ai cru qu'on allait arriver à vous. Au bout, peut-être que tout à l'heure, à 7h10, une histoire d'amour se créera entre. Est-ce que tu baises? Je sais pas. Un Français et un Didier et un espèce de ce que tu baises. Est-ce que tu baises? C'est vrai que le Est-ce que tu baises était. Magnifique. Ouais. Magnifique. Karine Le Marchand dans le réveil de star et dans un instant, eh bien, on découvre notre invité mystère et on vous offre le premier iPhone de la matinée. L'iPhone 7. Et ouais, là, dans la demi-heure, ça va être chaud, hein. 6h30 tout à l'heure, vaut 1 500 €. Et l'iPhone à gagner, bah, ça, c'est dans 5 minutes, l'heure de se réveiller avec le son de Mike Posner. Mais alors, pas le dernier, pas I Took a Pill in Ibiza. Non, le premier. Le premier, celui qui nous avait fait découvrir Mike Posner sur Sky, c'est Cooler Than Me sur Skyrock à 6h12. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my own eternal skyrock. I hope you hear my song. Yeah, I hope they don't think that they're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. This is Mike Posner on Skyrock. Exclusive. You got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Skyrock. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my own eternal skylight. I hope you hear my soul. Yeah, I hope they don't think that they're cooler than me. You got your designer shades just to hide. Got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by. But you don't know the way that you look when your steps make that noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. Up under my arm, I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. Eternal skylight, I hope you hear my song. Yeah, I hope they don't think that they're cooler. Sur Skyrock, c'était Mike Posner. Et oui, Mike Posner qu'on a découvert sur Sky avec ce morceau. Ouais. À 6h16. Bon, qu'est-ce que vous allez voir sur le net? Est-ce qu'il y a des vidéos qui vous font rigoler? Moi, je vais vous parler d'un truc qui fait peur sur le net dans un instant. Attention, hein. Moi, j'aime bien les animaux. Ouais, moi aussi. Les animaux, c'est toujours marrant, les animaux. Les chiens, les chats qui font des conneries. Il y a autre chose que j'aime bien, c'est les gens qui se cassent la gueule. Ça, c'est marrant. Si tu ouais, regardes c'est ça, c'est les, ça, ouais. Les fails. C'est des espèces de vidéo gag géants, en fait. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a plus vidéo gag à la télé. C'est peut-être pour ça, oui. Oui, parce qu'en fait, il y en a partout, partout. Bah, il y a des bêtisiers ici, quand même, qui passent encore à la télé, mais plus vidéo gag. Plus vidéo gag, c'est terminé, ouais. Donc, ce qui vous fait marrer sur le net, qu'est-ce que tu vas voir qui te fait rigoler sur le net, Cariole? Moi, les vidéos de chiens, j'adore. Et tu ris? Je ris, ouais. Et les vidéos de chiens aussi. Mais j'adore et puis ça. Elle est là. Romano, viens voir, ouais, ça, c'est le classique coup, ouais. Non, j'en veux plus. Fou, c'est encore un chien qui se casse la gueule sur de la glace. Non, là, mais ouais, non, mais c'est ça. Mais de toute façon, par exemple, Cariole, sur Instagram, elle ne suit que des chiens. C'est vrai. Et pas de chats. Si aussi. Pas de chats qui se prennent des vitres. Parce que des chats qui se prennent des vite, il y en a, je sais pas, 10 millions sur le net. Si, partout, je suis des chats aussi. Mais c'est vrai que c'est mignon. Dites-nous ce que vous regardez sur le net, il y a des trucs qui vous font marrer. Je suis dans des films de cul. Oui, aussi, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est... Alors, en fait, je regarde des chiens, des films de cul. Ça te plaît, ça te va? Oh, génial. Bon, alors, chien, film de cul, et nous, ce matin, attention, je vais vous parler d'un truc qui va vous faire peur sur le net. C'est Ange Momon et David. Vous connaissez Ange Momon et David? Ah non, c'est qui cet engin encore? Alors, vous êtes peut-être déjà tombé dessus, ce sont deux engins. C'est deux fans de karaoké qui postent leurs vidéos, ils se mettent devant leur caméra, ils mettent leur musique de karaoké et ils chantent. Ah, mais j'ai déjà vu, c'est pas la mère et le fils? Ange Momon et David, c'est eux. Ah, mais si, si, je connais. Ouais, ouais. Alors, Ange ouais, mais ils sont passés dans plein d'émissions. Alors, ouais. Eux, ça vaut le détour quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est quoi, ça vaut le détour? Ça vaut Alors. Oui, c'est pas bon, ils passeront pas à la télé dans The Voice, quoi. Non, par contre, ils vont passer à la radio ce matin sur Skyrock, je vous l'annonce, à 6h18. Voici la chanson mystère, c'est un peu l'invité mystère de ce matin, Ange Momon et David. L'invité mystère. What? Attention, Ange Momon et David sont installés, ils ont installé leur karaoké, ils sont devant la caméra, et attention, j'appuie sur play. Ouais, et puis attention, parce qu'en général, les chansons, ils les arrangent. Ouais, alors attention, justement, on a choisi des chansons de Skyrock, parce qu'ils chantent du rap. Ouais, ouais, ouais, non, mais ils font plein de trucs, hein. Oui, oui. Ils font tous les styles, hein. Quel est le morceau mystère? Écoutez bien, c'est super facile. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste. Les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, les mille et une. Attention. Allez, ma son mystère. Allez, bon, allez, je sais pas. Ça paie comme jamais. Maître Gibbs, si tu nous écoutes, ne t'inquiète pas, c'est des fans. Loulou et Boutin. Coco Chanel. On va en prendre, messieurs dames. Et tout ça sans drogue en plus. Hein, ah, sans rien, ouais. Ange Momon et David chantent quelle chanson? C'est la question que je vous pose. Si vous voulez votre iPhone 7, top! pour vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez vos réponses. C'est facile, hein? Oui, c'est facile. Ah, facile. Il faut juste être le plus rapide ou la plus rapide après mon temps. Donc ça y est, c'est parti. Non, mais c'est mignon, hein. le papa, la maman et le fils. Oui, alors Romano, tiens, on va te poser la question. Et d'ailleurs, je ne vais même pas te poser la question. Je vais te demander de faire une vidéo, toi et ta mère. Ouais, t'as raison. Je vais pas leur voler la vedette. Oh, tu es le prince du hip-hop. Bah non, mais c'est leur concept. Vas-y. Moi, je leur laisse leur concept. Tu te mets devant ta caméra et tu fais Passe avant minuit. Allez, dans un instant, on a d'autres morceaux à écouter. Je vous préviens. Attention, un grand live de. Comment il s'appelle? Alors, Ange Momon et David. Ange Momon et David sont de retour dans un instant sur Skyrock. Préparez-vous. Il est 6h20 et c'est l'invité mystère et votre iPhone 7 à gagner. Bonne chance. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ouais, c'est Serge. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Et t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais, ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Skyrock. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Gouix. Braqueur en Blu-ray, DVD et VOD. Avec Skyrock. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€. Et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Qui dit rentrée dit les mêmes tronches au bahut. Bref, t'es déjà blasé. Smax est ton allié pour t'ouvrir à de nouvelles aventures. Tu rentres tes critères, tu explores de nouvelles villes. Que de nouvelles rencontres en perspective. Fonce, télécharge Smax. S-M-A-X. Smax, l'appli qu'il faut absolument avoir sur ton portable et dire foc au quotidien. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby. Voici Capture, le crossover. Avec sa position de conduite surélevée, il offre une parfaite vision du jeu. Capture est à partir de 169€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre sous condition de reprise pour Capture Life Energy TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 200€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuca. Sors de la piste, fais une grande écart de panda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Je suis en feu, tu es en feu, vraiment ce soir je suis en feu. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir, je suis un warrior. Appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport. Ramène-moi des cheerleaders. Je suis en feu. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, bienvenue dans le morning, 6h25. Dans 5 minutes, on vous offrira 1 500 €. Là, on a un iPhone 7 à vous filer. Les conseils pas chers de Romano qu'il vous offrira généreusement à 6h40 tout à l'heure. Je vous donne l'idée, par contre, les bénéfices de la démonstration me reviennent. Hein. Bien sûr, on est au courant, vous êtes au courant, ça marche comme ça, les c'est conseils marché, pas chers. C'est marqué sur mon contract. L'iPhone, il est pour Alan ce matin. Et oui, ça a été le plus rapide à nous laisser la bonne réponse. Merci pour tous les messages, vous êtes déchaînés ce matin, ça fait plaisir. Salut Alan. Salut. On file à Ivry. Salut. Dans le 94. Encore le 94. Hier, on a offert 1 500 € du côté de Créteil. Et ben toi, tu vas gagner l'iPhone 7. Ça va bien, Alan? Ça va, ça va. Vous équipez. Ça va pas mal. T'as 16 ans. Tu te prépares à aller au Bahut. Tu bosses. Tu fais quoi, toi? Ouais, je suis au Bahut. Je suis en première RS. Waouh, t'as trop de chance. Tu vas pouvoir te la péter. Tu vas pouvoir te la péter avec ton iPhone 7 grâce au morceau mystère chanté par Ange Momon et David. Alors, si vous venez de vous réveiller, on les a découverts sur le net. Vous les avez peut-être déjà vus parce qu'ils sont célèbres. C'est les fans de karaoké. Non, mais je crois qu'ils font beaucoup de vues en plus. Hein. Attends, ils cartonnent comme des fous. La maman Ange Momon. Hein. Ouais. C'est un nom, c'est son nom. Et le fils David. Non, mais c'est des pseudos de stars. Bah oui, ah, c'est ça. Vois. Oui. Alors, le morceau mystère, c'était facile. Il fallait découvrir quel était ce morceau. Écoute bien, Alan. Passe avant minuit. Passe avant minuit. Et voilà. Et oui, on vit déjà le dream là. Quand on les écoute, moi je vis déjà un dream ce matin. Alors quel était le morceau mystère, Alan? Sapé comme jamais de Maître Gims. Sapé comme jamais. C'est là le meilleur. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Voilà le karaoké. Non, mais c'est bon. Enfin, c'est bon. Mais si, c'est bon. Comment on dit, c'est bon quand ça s'arrête. Merci Ange Momon et David. Et bravo Alan, tu gagnes l'iPhone 7. Allez, bravo. Le tout nouveau, il est pour toi, Alan. On va t'envoyer ça à Ivry. Tu vas pas t'éclater comme un fou, hein. Ouais. Avec l'iPhone 7. Mais attention, avant de partir, j'ai d'autres morceaux à vous faire écouter, mais rapidement. Écoutez bien Ange Momon qui chante pratiquement toute la programmation de Skyrock. Ça, écoutez, facile. Ouais, ah ouais, c'est ouais, génial. Génial, ouais. Ouais, c'est Joule. C'est... Ah bah oui. Ouais, fais bien de le préciser parce que. Ouais, le pauvre Joule. Tu veux pas faire une vidéo avec ton papa par exemple pour... Non, ça va. Non, mais tu feras un carton, hein, tu sais. Ah, sans doute. Ils chanteraient Wesh alors. Ou alors, ils aiment beaucoup Maître Gims. Hein. Ils sont fans de Maître Gims. Écoutez Zombie. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Marie, t'as rien. Ils sont un peu plus de mal sur ça. Oui, l'original, c'est ça. Ah, c'est mieux l'original. Ah, c'est mieux. Hein. C'est mieux, hein. Ange Momon et David. Et oui, on vous a prévenu, un truc qui fait peur sur le net. Merci, merci à tous les deux. Merci Alan et puis bravo à toi, l'iPhone 7, on te l'envoie à la maison. beaucoup. Ah, c'est l'émotion. Merci l'équipe. Ah, bah de rien. Ah. Je crois que tu étais tombé comme Hillary Clinton. Bam, bam. Bon, salut Alan, bonne journée à toi. Et les iPhone 7 sont à choper tous les matins, toutes les heures dans le morning. Tout à l'heure à 7h20, on jouera à Info ou Mytho. Préparez-vous pour le grand Info ou Mytho de ce matin et un nouvel iPhone 7 à choper. Bonne chance d'avance. Il est 6h28. Allez, Coldwater, c'est le son de Major Lazer avec Justin Bieber. Tout ça, ouais, ça rime. Major Lazer, Justin Bieber, Coldwater sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Major Lazer sur Skyrock avec Justin Bieber. On écoutait Cold Water. Ouais. Ça fait du bien le matin. De l'eau froide, c'est pas mal avec la nuit qu'on a eue. Je sais pas si vous avez eu chaud cette nuit, vous. Ah, si. Ah, ce matin, je prends une douche d'eau froide tellement j'avais chaud. Trop chaud. Et prenez une petite douche d'eau froide, vous allez voir, ça vous met en pleine forme dès le réveil le matin. Alors, à 6h31, on prépare les 1 500 €. Je vous en parlais il y a un instant. Dans deux minutes, juste après les infos, 1 500 € à gagner quand on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et le Skyrock est pour vous. Ouverture de l'enveloppe dans un instant. Les conseils pas chers. Et ce matin, on va vous parler d'une arnaque. Vous serez peut-être victime de cette arnaque, donc il vaut mieux être au courant. L'arnaque à l'irlandaise. Ah, c'est ça, l'arnaque à l'irlandaise. Ça se passe sur la route, c'est ça? C'est ça. Et ce matin, Mr. Smith sera là pour les conseils pas chers. Eh bien, les conseils pas chers, ils arrivent dans 10 minutes. Mais avant ça, eh bien, les infos avec Rémi. Tout de suite, c'est parti. Le son de Ken Jones aussi. Juste après, ce sera Don't Mind. Et la météo, pour démarrer la météo du jour, il fait chaud, il va faire chaud aujourd'hui. Il va faire chaud et puis c'est encore une journée qui est relativement estivale. Alors bon, c'est un petit peu moins bien qu'hier, on a un ciel un petit peu voilé quand même. Par endroits dans le Nord et notamment sur les Hauts-de-France. Ça va se gâter aussi en fin de journée, faut le savoir. Des orages et même de la grêle et des rafales de vent attendues à l'ouest. D'ailleurs, 11 départements sont en vigilance orange. Cela concerne tous ceux du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine, mais aussi le Gers et les Hautes-Pyrénées. Les températures ce matin largement au-dessus des normales de saison, entre 21 et 28 degrés. 26 en Île-de-France, ça dépassera les 30 quasiment partout. Cet après-midi, hormis sur la Bretagne et sur la côte atlantique, où il fera entre 21 et 27. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5. 5 à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Mulhouse. Et toute l'actu et tout le sport, c'est parti sur Skyrock. Une mutinerie taille XXL hier à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Elle a duré plus de 5 heures. Une soixantaine de détenus ont refusé de rejoindre leur cellule. Ils ont déclenché un incendie et se sont emparés d'un bâtiment après avoir volé les clés d'un gardien. D'importants moyens ont été déployés pour faire revenir le calme. 11 personnes ont été légèrement blessées. Les deux instigateurs présumés de cette mutinerie ont été placés en garde à vue. Apparemment, c'est une demande de sortie refusée qui aurait mis le feu aux poudres. Une ado de 15 ans grièvement blessée à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Le drame s'est produit hier à la sortie des cours dans l'enceinte d'un lycée. La victime a été poignardée dans le dos par un autre lycéen du même âge. L'agresseur étant en garde à vue, il avait 3 couteaux sur lui et n'a pas encore expliqué les raisons de son geste. La jeune fille est dans un état très critique ce matin et son pronostic vital est fortement engagé. Un jeune homme de 25 ans qui s'est s'accuse du meurtre de sa mère. Dramatique fait divers qui s'est produit au Havre. L'individu l'aurait étranglé avec un lacet de chaussure. Il aurait agi sous la colère car sa mère refusait de le laisser partir en Syrie pour y faire le djihad. C'est lui-même qui a prévenu la police. Il souffre apparemment d'antécédents psychiatriques. 464 euros, c'est en moyenne ce qui manque aux Français à la fin du mois. 20% serait dans le rouge à la banque de manière régulière. Résultat d'une enquête publiée ce matin par Cofidis. Et on fait le point sur le sport avec le grand soir pour Paris. C'est parti pour la Champions League. Et oui, ça y est, le PSG entre de plein pied dans cette Ligue des Champions. Les hommes de Unai Emery accueillent les Gunners d'Arsenal ce soir à 20h45. Eh bien, ce sera sans Artem Ben Arfa qui suivra le match depuis les tribunes du parc ou peut-être même carrément chez lui. Le coach a décidé en tout cas de ne pas le retenir dans sa liste. Sa prestation contre Saint-Etienne vendredi soir ne l'a pas convaincu. Il lui avait demandé avant le match d'être moins personnel et plus collectif. Un coup dur donc pour l'ancien Niçois et un malaise qui semble de plus en plus profond avec l'entraîneur. Rendez-vous ce soir dans la Radio Libre pour suivre cette rencontre en direct. Unai Emery devrait aligner un 4-3-3. En défense, on retrouvera certainement Aurier, Marquinhos, Thiago Silva et Maxwell. Au milieu, Marco Verratti à droite, Adrien Rabiot à gauche, Krikoviak en sentinelle et en attaque, Cavani en pointe, Di Maria à droite et Matuidi à gauche. Et puis du côté d'Arsenal, vous devez savoir aussi, c'est quand même une bonne nouvelle, que Koscielny sera bien là. C'est Arsène Wenger qui l'a confirmé. Le Français avait été touché au visage samedi, là, mais tout va bien. Il y a aussi Giroud qui joue à Arsenal. Ouais. Soir. Donc c'est bien, on va avoir plein de Français sur le terrain. Mais Koscielny, il n'avait pas fait retourner acrobatique, là, Louis, ce week-end. Mais il s'est pris, en fait, il s'est blessé au visage, ouais. Ouais, mais il avait marqué un beau but, par contre. Bravo, Koscielny. Ça serait con qu'il marque le même contre Paris. Ben, on verra ce soir. Ce soir, dès 21h, on suivra le match en direct sur Skyrock. Si vous écoutez Skyrock à Paris, en Ile-de-France, on a des places à vous filer aux alentours de 8h du matin, 8h25, 8h. Oh, tout à l'heure, c'est à gagner. Merci Rémi, il est 6h35 sur Skyrock. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct. On y va. La nuit a été courte, la journée sera moins longue avec le Morning de Difool sur Skyrock. Et bonne journée à vous, 6h35, c'est l'heure de vous offrir 1 500 €. On prépare l'arnaque à l'Irlandaise. Et t'as pas un conseil pas cher avec le PSG ce matin, Romano? Si, mais un peu plus tard dans la matinée. Ah, si tu veux, on va te laisser le temps de réfléchir. Vous allez voir, je lui lance le défi. Trouve un conseil pas cher avec le match du PSG. Pas de problème. Il est capable de trouver. Bah oui. Il a plein d'idées dans son petit crâne chauve. Ah, oh, ça chauffe. Ça chauffe. Bon, là, ça va ouvrir l'enveloppe tout de suite. Ouais. Une enveloppe avec 1 500 € à gagner. C'est pour vous sur Skyrock. C'est parti, bonne chance à vous. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Et oui, il faut moins d'une seconde pour répondre Skyrock. Moins d'une seconde pour gagner 1 500 € et moins d'une seconde pour ouvrir l'enveloppe. Ça y est, c'est fait, c'est parti du côté du 87 de Limoges. Si vous nous écoutez à Limoges, vous allez peut-être gagner 1 500 €. On file chez Françoise Chabrilanja. Et non, le nom, hein. Ouais, putain. Surtout à 6h36. Ouais. Bonjour. Allô? C'est Françoise Chabrilanja? Oui. Bonjour Françoise, c'est la radio, on est en direct à la radio. Et on vous a tiré au sort ce matin pour gagner 1 500 €, Françoise. Oui, ben ce serait parfait. Mais écoutez, c'est fait pour, hein. On vous appelle donc et on a une question à vous poser, Françoise. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 500 €. On va vous demander quelle est votre radio préférée. Allez Françoise, allez, allez. Si vous avez la bonne, et ben vous repartez avec 1 500 €. Vous êtes même encouragé par l'ensemble de l'équipe du Morning. Allez Françoise, allez Françoise, allez. Alors Françoise, dis-nous quelle est ta radio préférée. Françoise. Europe. Europunk. Europunk. Europunk. Et oui, avec des punks. Non, des punks avec des rats sur les épaules et tout. Non, ce n'est pas Europunk. Non, ce n'est pas Europe 1, Françoise. C'était Skyrock au téléphone. Et bien, tant pis. Et puis, tu sauras au moins pour la prochaine fois, hein, Françoise. On t'appelle, on te demande quelle est ta radio préférée. Tu réponds Skyrock et là, tu gagnes 1 500 €. Ouais. Ok. Merci, bonne journée. De rien, Françoise. Au revoir, Françoise. Elle avait un côté punk, je trouve. C'est vrai, c'est ça. Elle était punky, Françoise. Elle était punky, punky. Nous, on est rappy R&B aussi, un peu sur Skyrock. Désolé pour Françoise, on garde le chèque pour dans une demi-heure. Dans une demi-heure, 1 500 € à gagner. Vous répondez Skyrock. Et c'est dans la poche, 6h37. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas, là. J'y crois même pas, putain. Des réveils, des réveils. Keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson

Vous n'avez pas l'hymne anglais? Tu veux l'hymne anglais? Il suffit de demander Romano, je vais te le trouver ou je vais te le chanter comme tu veux. Si tu veux que je préférerais que tu le trouves du coup. si tu me laisses le choix. Oui, alors, tu veux l'hymne anglais? Attention, orchestre. C'est parti. Ah. Hello. It's my hymn. It's my hymn, oui. Bonjour Mr. Smith. Hello Skyrock. Hello Mr. Smith. On va donc faire l'arnaque à l'irlandaise. Ah, c'est parti, je vais arnaquer les Français. Très bien. Ah, je suis en panne avec mon véhicule. Et tu vas donc leur demander un petit peu d'argent. Je suis près de chez eux. C'est bien. Tu es près de chez qui d'ailleurs? Qui appelle-t-on ce matin? Gérard. Gérard. Gérard. C'est parti chez Gérard. J'espère qu'il sera joignable et qu'il va te rendre service surtout. Hein. Hello Gérard. Oui. Hey, excuse-moi de te déranger. C'est Mr. Smith à l'appareil. C'est qui là? Je connais pas. Hey, je suis en panne avec mon véhicule près de chez toi. Ça m'étonnerait, hein. Ah si, si, je suis tombé en rade dans la pleine campagne. Il n'y a rien du tout. Ah, ça m'étonnerait, j'habite dans le centre-ville. Ah bah, hein? C'est tout petit le centre-ville. Dis donc, Gérard. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent pour faire réparer ma voiture? Ah, ça m'étonnerait, non, non. J'ai des gens en retraite, ça m'étonnerait. Eh ben, je vais venir te voir ce matin, Gérard. Eh ben, je sais bien te voir, je suis pas là, de toute façon. Ah, si, si, tu es chez toi, tu parles là. Eh ben, je suis chez moi, mais je m'en vais à Cormini. Tu vas t'en vas à Cormini? Oui. À quelle heure? Ah ben, ça vous regarde pas, hein. Allez, je viens chez toi, je bois une... Eh ben, c'est qui? Vous êtes qui, là? Mr. Smith from London Bridge. Non. Je ne vous connais pas du tout. Hein. Ah, je vais passer chez toi, je bois un thé avec toi, tu me donnes... Non, déjà, premièrement, vous ne vous invitez pas du tout. Ah, tu me donnes 400 balles. Hein, comment? Tu vas me donner 400 balles. Oui, sûrement bien, oui. Ah, pour réparer la voiture. Sûrement. Oui, mais de toute façon, j'appelle les gendarmes, moi. Ah, je suis en détresse. Ouh, c'est la détresse. mais ça vous plaît de déranger du monde à 6h30? Ah, je suis en panne avec ma voiture. Mais oui, bah justement, parce que... Écoutez-moi bien, sans ça, ça va mal se passer. Hein. J'ai une voiture anglaise, c'est une Rolls Royce. Une Rolls Royce. Yeah, je t'amène un bout de pudding et tu me donnes... Ça vous plaît d'emmerder les gens comme ça? Ah ben, je suis en panne, je veux les 400 balles. Ouais, les 400 balles, oui, j'entends faire chauffer des 400 balles. Ah ben, tu les fais chauffer, tu fais les chauffer. Je suis pas la bande de rigolos, vous êtes à côté, là, il y a deux, trois personnes, là. Non, on est tous en détresse. En détresse, triste. Faites, Détresse. C'est la détresse. Gérard. Bon, j'arrive, Gérard. Merci, Gérard. Thank you very much. Prépare un cup of tea. Et le pudding, je l'amène. Ok. Ciao, Gérard. 400 balles. Non, pas ciao. Bye-bye. Bye-bye. Excusez-moi. Bye-bye, Gérard. C'est le lover italien qui ressort. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, comme je crois. Ça. Très bien. Merci, Mr. Smith, pour cette très, très belle arnaque à l'irlandaise. Vous la connaîtrez maintenant. Ouais. Si vous voulez éviter de vous faire arnaquer. Eh bien, écoutez Skyrock, vous saurez tout tous les matins dans les conseils pas chers. Non, mais donnez pas de l'argent. Dans moins d'une heure, tu nous fais ton conseil pas cher PSG. PSG, oui. Le conseil pas cher PSG dans moins d'une heure. Tiens, justement, Paris, on va en reparler maintenant. Mais pas Paris, l'équipe de foot. On va même parler ce matin des parisiennes, des franciliennes. Ah. On a fait une comparaison, c'est un peu Paris contre le reste du monde ce matin. Paris contre le reste de la France. On a comparé les parisiennes et les filles qui vivent pas à Paris. Donc, okay. Vous les filles qui vivez pas à Paris et vous les filles parisiennes, vous allez être confrontées. On va savoir qui fait le plus d'amour, qui a le plus de partenaires amoureux. Il n'y a pas que des questions sur le cul, hein. Qui est le plus pressé? Qui dort le plus? Okay. C'est le sondage du jour. Qui sont les plus minces également? Les franciliennes ou les autres? Vous saurez, si vous êtes les autres ou les franciliennes, vous saurez où vous casez. Dans un instant, notre grand sondage du jour. On va vous découvrir, les filles. Absolument, oui. Les filles d'Île-de-France, les filles de toute la France aussi. C'est parti dans un instant. Le temps d'écouter Rihanna et Drake. Et puis l'horoscope arrive aussi dans une minute, même pas. L'horoscope de l'amour sur Sky. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé, ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Et dans un instant sur Skyrock, Rihanna et Drake, on écoute Too Good, gros morceau. Il y aura aussi Lil Wayne et Wiz Khalifa. Écoutez avant 7h et à 6h48, l'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on va commencer par les Vierges et les Poissons. Vous avez 0 sur 5 aujourd'hui, les Vierges et les Poissons. Un conseil, faites gaffe aux hypocrites, ils pourraient bien vous gâcher votre journée aujourd'hui. Ne vous confiez pas au premier venu et tout ira mieux, Vierges et Poissons. 1 sur 5, les Cancers et les Taureaux. Si vous sentez la jalousie vous envahir, ne réagissez pas à chaud. Keep cool, comme on dit, Cancer et Taureaux. Oui. 2 sur 5, les Scorpions et les Lions. Si vous êtes célibataire, ne vous énervez pas si quelqu'un vous résiste. Vous pouvez y arriver avec un peu de persévérance. Et pour les couples, votre partenaire aura besoin de soutien aujourd'hui. Scorpion et Lion, 2 sur 5. 3 sur 5, les magnifiques et très beaux Capricorne. Mais comme toi, Difoule. Et les Gémeaux, Capricorne et Gémeaux, aujourd'hui, c'est les amis, la famille et les collègues. Tous les gens qui nous aiment pourront compter sur nous et on pourra également compter sur eux. Donc c'est une journée de solidarité, c'est bien. Mm-hmm. 4 sur 5, les Balances et les Verseaux. C'est votre petit côté, côté inaccessible qui va vous rendre irrésistible, Romano. Oui, tout petit. Petit. Et pour les Sagittaires et les Béliers, bah, c'est super, vous avez 5 sur 5, meilleure note du jour. Alerte canicule du côté de vos amours, ça va être très, très, très chaud. En ce mardi, profitez bien. Pas que la météo qui est chaude aujourd'hui, hein. Les Sagittaires et les Béliers. Aussi, 6h49 sur Skyrock. Dans un instant, le sondage du morning. Ouais. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience last night. I got high as the expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as expectations. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. Gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Aïe, aïe, aïe. Rihanna et Drake sur Skyrock, les amoureux. C'était Too Good. Bah oui, ils sont amoureux, Rihanna et Drake. On en parlait la semaine dernière dans le morning. Drake, Rihanna, 6h53. Et on a le sondage du jour à découvrir, comme tous les matins, juste avant 7h, votre sondage. Et le sondage d'aujourd'hui concerne les franciliennes et le reste du monde. C'est un peu la guerre, comme à la télé, vous savez. Ouais. Les Marseillais, les Ch'tis contre le reste du monde. Bah là, c'est les franciliennes contre le reste de la France. On va voir comment vous êtes différentes, les parisiennes, les franciliennes. Et, Mais vous êtes toutes belles, les femmes. Vous, où que vous soyez. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'à Paris, t'as trois quarts de provinciaux qui sont venus vivre à Paris. Ouais, c'est vrai, ouais. Regardez, par exemple, Romano, provincial. Bourguignon. De Bourgogne, qui est monté avec sa gothique. T'es devenue parisienne, allez. Non. Je suis monté tout seul, elle m'a rejoint. Elle est repartie là. Elle est essayée. Là, retour définitif en Bourgogne. Elle est bourguignonne. Bon, donc notre sondage du jour, on le découvre tout de suite. On va tout savoir tout de suite sur Skyrock à 6h53. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Alors, j'ai vu qu'on allait parler de sexe, qu'on allait parler d'amour. Tiens, on va commencer avec une question partenaire sexuel. Vas-y. Absolument. D'après vous, qui a le plus de partenaires sexuels, la francilienne ou les autres françaises? Les autres, mais je dirais. Tu penses les autres? Tu penses que c'est plus chaud, que c'est plus chaud en province? Ouais. Eh bien, Cariole, une fois de plus, tu as tapé dans le mille, puisque c'est pas ça du tout, c'est les parisiennes qui ont le plus de partenaires. Les parisiennes ont le plus de partenaires. Quoique t'avais un peu raison, parce que en PACA, vous êtes encore plus chaudes, les filles. Ah, tu vois? Donc, en moyenne, si on prend tout le reste de la France, les franciliennes sont devant, mais devancées par la Provence, Alpes-Côte d'Azur. Vous, dans le sud du côté. Et de... là-bas, il y a de la chaudasse. Oh, du côté de Marseille, Avignon, Toulon, Nice, Cannes. Oh, vous êtes chaudes, les filles. Il y a des coquines dans le sud, comme le dit Snap Babs One. Salut, Snap Babs One. C'est des coquines dans le sud. Ah, coquines. Donc, le plus de partenaires sexuels, donc. Plutôt en Île-de-France, avec une petite mention très bien pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tiens, puisqu'on est dans le sexe, qui a le plus de rapports sexuels par semaine? Les parisiennes ou les autres françaises? Alors, Cariole, tu penses à quoi? Je dirais les autres. Eh bien, en effet, tu t'es encore trompé. Moi, je dirais les parisiennes, du coup. Bravo, Romano. Les parisiennes font plus l'amour 1,4 fois par semaine. Ouais. Ce qui me fait rigoler, c'est le 1,4, moi. Ouais. Contre, ouais, il y a une fois qui est pas fini, quoi. Contre 1,2 fois par semaine en moyenne. Eh ben voilà. Pour l'ensemble de la France, par exemple en Rhône-Alpes et en Alsace, vous avez 1,2 rapports par semaine en moyenne. Cariole, bravo. Deux questions, deux mauvaises réponses. Attends, vas-y, attends la prochaine, tu vas voir. Tiens, une pour vous les filles, vous avez bien aimé ça. Qui sont les plus minces, les parisiennes ou les autres françaises? Parisiennes. Ouais, oui. Moi je dis pareil aussi. Oui, elles sont plus minces que les autres françaises. 1,8 kg de moins quand t'es francilien plutôt que quand t'es dans une autre région de France. Mmh. La moyenne est de 63,1 kg pour une parisienne, une francilienne, et 64,9 kg pour quelqu'un qui habite en province. Une autre petite question. Où est-ce qu'on divorce le plus? À Paris. Qui divorce le plus? Les franciliennes ou les... Les parisiennes. Eh, les parisiennes, ça divorce. Eh ouais. Si vous mettez en ménage avec une parisienne ou une francilienne, sachez que vous allez vous faire larguer par un moment ou à l'autre, elle va se barrer. Ouais. Et qui sont les plus pressés? Les parisiennes ou les françaises? Les parisiennes. Eh oui, les parisiennes qui marchent plus vite. Si vous êtes parisienne, les filles franciliennes, vous marchez plus vite que quelqu'un en province. C'est mais parce ça, que moi, stressé. Ouais, mais j'ai remarqué, moi, des fois, j'ai des potes de province qui viennent, et même si j'ai des toutes petites jambes, ils me disent, mais qu'est-ce que tu marches vite? Oui, parce que Romano, il a des toutes petites jambes qui courent très vite comme ça. Ah ouais, j'arrête pas. C'est vrai, quand t'es à Paris, t'es plus pressé en général. Paris, Île-de-France. Et bien voilà pour notre sondage du jour. Le nombre de partenaires sexuels, je vous ai dit. Ouais. Tiens, petit chiffre sympa, en PACA, vous avez 13,5 amants dans votre vie. Hein? Les femmes. C'est tout? Non mais c'est tout. Tout le monde n'est pas une Cariole couche-toi là. Ah oui. Voilà, petite mention pour PACA ce matin là. Voilà, c'était le Paris contre le reste du monde. L'Île-de-France contre le reste de la France. Ce matin sur Skyrock à 6h56, on prépare vos 1500 €. Tiens, vous pouvez vous inscrire pour les 1500 €. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. Ouais. Pour augmenter vos chances de gagner. D'ailleurs, hier, elle a gagné après s'être inscrite. C'est Ophélie de Créteil qui avait gagné 1500 € hier matin. Oui, elle a bien gagné, ouais. Hier, il y a eu un autre gagnant aussi, c'est Florian de Bayonne. Bah, peut-être vous, dans un instant. C'est peut-être toi qui gagnera. Ah, oui, c'est peut-être toi. C'est juste après Lil Wayne et Wiz Khalifa qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. Et après les infos de Rémi, on va faire tout ça sur Sky. Planet. Ladies and gentlemen, le jeu de la pièce, c'est simple. Des pièces de monnaie, des potes, un mur. Celui qui jette sa pièce le plus près du mur sans le toucher remporte la mise. À vous de jouer toute la semaine dans Planet Rap. La pièce, c'est le premier film du Watibé. Watibé. Avec une pièce, on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça serait calme. Planet Rap reçoit les rappeurs de la bande-son et l'équipe du film. On s'y fait. Planète Rap, la pièce. Le premier film du Watibé. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock. Et sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Avec le vidéo live comme si t'y étais. Planète Rap. Cette semaine, Planète Rap exceptionnel avec Prozis, leader mondial de la nutrition sportive. Planète Rap. Planète Rap. Écoute Planète Rap dès 20h, déchire le freestyle et fais le plein de protéines avec Prozis. Prozis, une gamme nutritive complète pour sportifs de haut niveau. Planète Rap. Tous les soirs dans Planète Rap, jusqu'au 5 novembre, utilise le code Skyrock sur Prozis et chope 20% de réduction sur toute la boutique Prozis.fr. Et c'est reparti sur Skyrock le morning, et le son de Wiz Khalifa et Lil Wayne, un gros son, le Suck of a Pain. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I torture you. Take my hand through the flames. I torture you. I'm a slave to your games. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. For pain. To doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Lil Wayne et Wiz Khalifa pour super morceau découvert sur Skyrock. Suck of a Pain, il est pile 7h du matin. Bonjour et bienvenue sur Sky. Si vous venez de vous brancher, on est là, on est avec vous comme ouais. Tous les matins pour, ouais. Pour vous avez quand même raté une heure là. Ah, vous avez raté une heure d'émission, c'était bien en plus. On a découvert l'arnaque à l'irlandaise. On a découvert Ange Momon et David, des super chanteurs, des stars. Ah, des stars du web, c'est super. On a plein d'autres choses à faire. Vous tombez bien parce qu'on aura 1 500 € à vous offrir. Le réveil de star à très chaud ce matin avec Karine Lemarchand de L'amour est dans le pré. Ouais. Oui, la présentatrice. La présentatrice va réveiller les Français. On va voir ce que ça va donner d'ici quelques instants. On va la retrouver. Et puis 1 500 € à gagner, c'est pour vous dans 2 minutes juste après les infos de Rémi. On fait le point sur l'actu avec toi, ouais, Rémi. Ouais, ouais. Allez, il est content parce qu'il fait beau aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, il fait trop chaud la nuit, moi je vous le dis. Ouais, on n'est jamais content, on est français. Hein. Mais ça va baisser, vous inquiétez pas. Ah bah écoute, j'espère parce que cette nuit il fait chaud. Hein. Moi j'ai un ventilo. Ah t'as un ventilo. Tout va bien. Ah, ouais. Moi ça m'enrhume un ventilo. Ah non, moi ça va. Bah nous on a une clim pour le chien. Ouais. C'est... Mais c'est juste pour le chien, nous on n'y a pas droit. C'est vrai. Mais c'est vrai parce que le chien a trop chaud, il fait des malaises. Donc mais non, mais les Romano derniers... était contraint d'acheter une clim. Mais pourquoi vous ne coupez pas les poils? Non, mais même au contraire, ça les... lui protège. Ouais, wow. Les poils, ça régule la température du chien. Wow. Très bien, donc la clim, c'est pour le chien. Ah, mais il y en a que pour lui, ouais. D'accord, ok. D'autres, il n'y a pas droit. Alors, la météo, juste après, il y a Alonso aussi qui se pointe avec Binta, super son d'Alonso. Ouais. Le temps du jour, donc il fait chaud. Hein. Ouais, il fait chaud, et puis c'est une belle journée encore sur l'ensemble du pays. Un petit peu de voilage quand même ce matin, là, dans le ciel, dans le nord, notamment sur les Hauts-de-France. Et puis ça va se gâter quand même. Faut le savoir, en fin de journée, sur l'ouest, on aura des orages, de la grêle, des vents assez violents. D'ailleurs, il y a 11 départements qui ont été placés. C'est en vigilance orange par Météo France. Cela concerne tous ceux du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine, mais aussi le Gers et les Hautes-Pyrénées. Ça va se rafraîchir un petit peu par là-bas. Les températures ce matin, largement au-dessus des normales de saison. On est à peu près entre 21 et 28 degrés, là, 26 en Ile-de-France. Ça dépassera aisément les 30 quasiment partout cet après-midi, hormis sur la Bretagne, donc à l'ouest, et puis sur la côte atlantique, où il fera entre 21 et 27. La pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Mulhouse. Et les infos tout de suite sur Skyrock, les infos. l'info et le sport. Une première nuit en prison pour celle que la presse a surnommée le commando des femmes. Les trois terroristes présumés arrêtés la semaine dernière en région parisienne ont été mis en examen et écroués. Elles préparaient un attentat de manière imminente après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz à Paris. Un mineur de 15 ans a également été présenté à la justice et placé en détention. Lui comptait attaquer le plus de monde possible avec un couteau. Le point commun entre les deux affaires, eh bien, ça semble être Rachid Kassim, un Français de 29 ans, originaire de Roanne et qui est soupçonné de tout téléguider depuis la zone irako-syrienne. Faut-il autoriser les lycéens à fumer dans l'enceinte de leur établissement? C'est un petit peu le casse-tête des proviseurs là depuis la rentrée. Il y en a qui le font un petit peu en cachette, d'autres qui demandent l'autorisation. Les lycéens n'ont pas le droit de fumer au bahut, ça vous le savez, mais en même temps, eh bien, le plan Vigipirate leur interdit de se regrouper en dehors. Donc certains chefs d'établissement demandent, eh bien, le retour de la clope dans la cour. Fin de non-recevoir hier de la ministre de l'Éducation qui a donc tranché le dossier. Najat Vallaud-Belkacem estime qu'on ne peut pas renoncer à la loi Evin. Objectif, sauver le soldat Alstom. Le gouvernement l'a assuré hier. Non, il n'y aura pas de délocalisation d'emploi chez le constructeur de trains. La direction a annoncé la semaine dernière l'arrêt de son site de production de Belfort. Quelques 400 salariés semblaient condamnés à quitter la région pour s'installer en Alsace où il y a un autre site. Manuel Valls a rappelé hier que l'État a déjà sauvé l'entreprise et peut encore le faire à condition qu'elle joue le jeu. François Hollande en visite en Roumanie aujourd'hui. Le président est arrivé sur place hier soir. Il doit rencontrer son homologue roumain dans la matinée. Le chef de l'État se rendra ensuite dans le centre du pays. Il va y inaugurer une nouvelle usine d'Airbus destinée à fabriquer des hélicoptères. On va parler sport maintenant avec Ben Arfa, puni de Ligue des Champions et puis le point sur les JO. Ouais, le PSG entre de plein pied ce soir dans la Ligue des Champions. Les hommes d'Unai Emery accueillent, vous le savez, les Gunners d'Arsenal à 20h45. Et bien ce sera sans Hatem Ben Arfa qui, affront ultime, ne sera même pas sur le banc. Décision prise par le coach qui a été déçu de sa prestation contre Saint-Etienne vendredi soir. Rendez-vous ce soir en tout cas dans la Radio Libre pour suivre tout ça en direct. Unai Emery devrait aligner un petit 4-3-3 traditionnel. Et puis du côté d'Arsenal, eh bien Arsène Wenger confirme la présence de Koscielny, on est rassuré, puisque le Français avait été touché au visage samedi, mais tout va bien. Une nouvelle médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Rio. Amélie Le Fur double la mise. Après s'être imposée à la longueur, elle a remporté hier le 400 mètres T44 réservé aux athlètes amputés d'une jambe. La native de Vendôme dans le Loir-et-Cher s'octroie même le record du monde. La France a pour l'instant 11 médailles, dont 3 en or. Bien joué, merci Rémi pour les infos. Il est 7h04 sur Skyrock. Feuille de match du morning de Difool. Entraîneur, Difool. Même Zizou lui demande des conseils. Salut, c'est Zizou sur Skyrock. Attaquant, Romano. Plus fort que Messi. Oh, pardon, non. Plus petit que Messi. Gardien, Cédric. Il avale tous les ballons. Pom-pom girl au sein nu, Carriole. Salut. Coup d'envoi du morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Ah, t'es super en pom-pom girl, Carriole. Ah, magnifique. Salut. Salut. Salut à vous. Non, elle dit pas salut, elle dit seins nus. Non, salut. Ah, d'accord. Maintenant, t'es complètement con. Non, je crois qu'il a des problèmes ces temps-ci dans une vie sexuelle un peu pauvre. N'importe quoi. Et que tout l'excite. C'est vrai, ouais. C'est fou. Hein. Ça rend sourd aussi. Hein. Oui, ça rend sourd. C'est vrai. Bon, on parlera foot ce matin avec les conseils pas chers. J'ai lancé le défi à Romano. Trouve un conseil pas cher à rapport avec le match PSG-Arsenal. Et il va le trouver pour 7h40. J'en suis sûr, je te connais, Romano. Ah non, mais ça y est, c'est bon, il est là dans ma tête. Très bien. On salue Cédric aussi et sa clavicule cassée qui nous écoute en direct de la maison. On aura des nouvelles peut-être dans le morning. Et en tout cas, ce soir, entre 21h et minuit. Et puis, on salue toute l'équipe. L'équipe du morning, Carriole, ouais. Karim qui est venu remplacer. Ouais. Tu es roue de secours dans le morning. Ouais, c'est ça, ouais. T'es venu remplacer Cédric. Ouais, je le remplace. Ouais. Il y a Sab des réseaux sociaux qui est avec nous aussi. Et Romano, des conseils pas chers. Et là, on rigole parce qu'on regarde une photo de Cédric nu. Enfin, torse nu. Ça, c'est quoi, c'est celle où il a les cheveux collés, genre il a les cheveux gras, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et, le regard vide. Ah, ouais. Je sais pas si on vous la met sur les réseaux. Non, il va gueuler. Je vais faire rigoler après. Oh, il est tellement beau. Non, je vais me faire tuer. Bon, je lui demanderai pour ce soir. Hein. Oui, faites penser ce soir à 21h dans la Radio Libre quand on aura au téléphone. Bon, notre invité mystère à découvrir. Ah non, c'est pas l'invité mystère, c'est Info Mytho. On va jouer à 7h20, j'avais promis qu'on jouerait à Info Mytho. Et Info c'est toujours pour l'iPhone 7. Hein. Eh bien, ce sera pour gagner l'iPhone 7 tout à l'heure, on jouera ensemble. Et puis, une invitée ce matin, qui n'est pas mystère du tout, puisque je vous en parlais il y a un instant, c'est Karine Lemarchand. Karine Lemarchand de L'Amour est dans le Pré. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Je suis plus cochonne que panthère. Tu es plus cochonne que panthère. Ben voici une très très bonne nouvelle. Karine Lemarchand qui craque ce matin. Ça y est, je craque, c'est ça? Oui, c'est t'as craqué là, Karine Lemarchand. On va la retrouver, elle va réveiller les familles de France et à mon avis, ça va être très très chaud. Parce que malgré tout, l'amour est dans le pré. C'est chaud. C'est parfois chaud avec tous les animaux. Il y a des vaches qui copulent avec des bœufs. Ah, et puis les agriculteurs, ils sont chauds. Hein. Les agriculteurs, ouais, c'est vrai, ils sont chauds, oui. Ah, bah, ils sont venus pour toi. trouver de la gonzesse. Hein. Ah ouais, bah ou ouais. Alors les agricultrices, c'est là pour trouver du mec. Hein. Au réveil de Star, 7h10, conseil pas cher tout à l'heure à 7h40. Ouais. Votre iPhone à 7h20. Et là, à 7h07, et ben c'est parti. C'est l'heure des 1500 euros sur Skyrock. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et oui, 1500 euros à gagner sur Skyrock. Et c'est toi qui as l'enveloppe, Romano. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Où va-t-on ce matin? Dans le 14. Le 14, c'est le Calvados. Un petit coup de Calvados. Dès le réveil, ouais. On va chez les gros Didier. Oh, les gros Didier. Et c'est Monique. Monique, gros Didier. Et on va. Allô précisément. Ah, bah voilà. Bah voilà, bonjour, monsieur gros Didier. Bonjour. Vous êtes là je suis son petit-fils. Bonjour, petit-fils, comment allez-vous? Bien. Ça va, on va se tutoyer. Hein oui. On est en direct à la radio, c'est quoi ton prénom? Tony. Tu es un petit gros Didier, toi alors? Oui. Salut, petit gros Didier. Salut, Tony. On est en direct à la radio, Tony. On a tiré la famille au sort. C'est pour vous offrir 1500 euros ce matin. D'accord. Il faut répondre à une question, Tony. Si tu me dis quelle est ta radio préférée et que t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros, Tony. Énergie. Ah non, tu entends Karine Le Marchand qui rit derrière très fort. Tu t'es trompé, Tony. C'était Skyrock au téléphone. D'accord. Bah alors, les gros Didier. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et Monique, elle est pas dans le coin? Si. Ah bah, on va lui faire un petit coucou quand même. Bah, tu fais un coucou à Monique. Coucou Monique. Attendez, je vous la passe. Passe-nous Monique. À Monique Grodidier, il faut lui parler. Ah oui. Allô Monique. Monique, le petit-fils, il a fait perdre 1500. Adieu. Monique. Monique. Oui, allô. Comment vas-tu Monique? Ça va un peu mieux. Ah bah écoute, t'es en train de te réveiller, t'as chopé la crève toi aussi. Hein. Monique est en train de décuver. Non, non, c'est la crève, Romano. Ah. C'est... elle a pas bu du Calvados ce matin. Eh bien écoute Monique, le petit-fils, toute la famille, on vous salue, on vous embrasse. Gros bisous les gros Didier. Gros bisous les gros Didier, gros bisous pour les gros Didier. Tiens. Et on était précisément à Hérouville-Saint-Clair. Bon bah salut, oui. Salut les gros Didier. Et qui vous êtes? Ah bah c'est Skyrock. C'est Skyrock, mais il va t'expliquer le petit-fils. Ah bon? Eh ben oui. Ça va te faire plaisir, on va t'expliquer qu'il a pas 1500 balles. Oui. Ah oui, il s'est planté, oui, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Il a tapé à côté. Ah, bon. Complètement. On t'embrasse, Monique, à bientôt. Oui, salut, Monique. Salut, salut Monique. Salut, Tony. Dans une demi-heure, on recommence. 1500 euros à gagner. C'est pour vous, c'est sur Skyrock, bien sûr. 1500 euros, il suffit de répondre Sky, c'est dans la ouais. poche. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, et Alonso. Encore une découverte Skyrock, c'est Binta sur Sky. Binta, 7h09. Dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste, danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle est dans le cœur de tous mes stars. De Marseille à Paris, on lui veut la pendaison comme ça. sur Skyrock, c'était Soprano. Tiens, des nouvelles des Marseillais. Jules est en concert avec Skyrock, ça démarre en décembre. Ouais. Il passe par Marseille, par Amnéville, par Nantes et Paris. Et Paris aussi, oui. Ouais, oui, Paris. Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Et les places sont en vente dès aujourd'hui, sachez-le. Je le dis parce que ça va partir très très vite. Jules qu'on écoutera avec Vita avant 7h30. C'est les premiers gros concerts de Jules. Et Jules qui fait ses premiers concerts et il a choisi Skyrock et ça fait plaisir. Ouais. Merci Jules. Merci Jules, je te dirai ce matin. Wesh alors. Wesh alors. Wesh Jules. Bon, on le retrouve avant 7h30. Dans un instant, on écoute DJ Snake. Mais tout de suite, elle est là. Elle est là, c'est celle qui va réveiller les Français ce matin, notre star du matin. Enchantée, Karine. Difool, salut. Salut Karine. Comment ça va? Ça va bien. Mais c'est génial. Mais oui, mais c'est génial. Génial d'être avec vous. C'est extraordinaire. Mais ouais, extraordinaire. Je te présente d'ailleurs Romano. Ah oui. Eh oui. Ah oui, quand même. La belle bête. Non, ah, la belle bête. C'est pas une bête, c'est un être humain qui n'a pas de cheveux. Bon, limite, bon, c'est déjà sympa qu'elle dise ça. Ben ouais, elle est sympa comme tout. J'ai très envie de te voir danser quand même. Hein. Tu sais que là, on n'en peut plus. Là. Ah, tu sais, Romano, elle veut te voir danser. Ouais, mais là, pas maintenant. Là. Tu veux pas faire un. J'aimerais pas exciter l'équipe dès le matin. Un petit snap, un petit Facebook Live, tu veux danser. Non. Ben ouais, je vais faire un. Je vais me mettre nu. Bon, Karine Le Marchand qui débarque ce matin pour le réveil de stars. Bonjour. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Bah, son identité, c'est Karine Le Marchand. Et Karine Le Marchand qui réveille. C'est Didier qu'elle réveille ce matin? Ou c'est Roger qu'elle réveille ce matin? Dites-moi, parce que moi, c'est comme vous voulez. Karine Le Marchand réveille la France entière. Didier ou Roger? Didier ou Roger? Bah, tu as un micro, tu peux dire. Son 112. Le son 112. C'est donc Roger. Roger. Voilà. Roger. Karine Le Marchand. Oui. La grande rencontre. La grande rencontre ce matin. C'est parti. Karine Le Marchand qui va réveiller toute la France toute la matinée dans le monde. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mais ça pourra aller, oui. Enchantée, Karine. Karine. On me surnomme Pocahontas car j'ai les cheveux jusqu'à la taille et j'adore marcher pieds nus. Oh. Mais oui, mais je ne connais pas. C'est plutôt pas mal, hein? Ouais, mais moi je t'emmerde. Ah bah tiens. Pourquoi? Bah je n'en sais rien parce que vous emmerdez le monde. Tu vas souvent dans les soirées, tout ça? Ça vous regarde? Je veux te voir danser. Oui, mais écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous emmerde. Mais tu sors encore en boîte? Non, mais vous vous foutez de moi ou quoi? J'ai très envie de te voir danser quand même. Hein. Tu sais que là, on n'en peut plus, là. Mais moi, je vous dis que je vais appeler les flics si ça continue. Mais c'est génial! Mais oui. Mais, non, mais à quoi vous jouez, là? Je vais faire un câlin tata caca. Bon, écoutez... Les flics, ils arrivent, je vais vous aller brancher, vous allez voir. Ah oui! La belle bête! Mais t'es espèce de cocu, va! Écoute, tiens, Roger, il a craqué sur la fin, espèce de. J'ai cru que ça allait partir sur un connasse. Non, espèce de cocu! Ouais, espèce de cocu! Et non, espèce de connasse! On a eu les deux, Roger et sa petite femme, mais les deux, je vous emmerde. Eux, ils sont bien trouvés, en tout cas. Hein. Ouais. Roger et sa femme. Mais c'est génial! Mais ouais, c'était génial. Merci, Karine, c'était super, on a bien rigolé, hein. Ah bah ouais, c'est là, t'es fait maltraiter et tout. Ouais, c'est pas comme tout. Là, elle a été super bien reçue. Comment sera-t-elle reçue dans une heure? On verra, hein. Karine Le Marchand is back. Ouais. 7h16. Ah, ça c'est bon aussi, hein. DJ Snake sur Skyrock, Let Me Love You. Et dans un instant, c'est l'heure d'info ou mytho. Info, mytho, qui dit vrai, qui dit faux. Et votre iPhone 7. iPhone 7 a gagné sur Sky. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Give up now. 7h20 pile sur Skyrock, c'est l'heure de vous offrir l'iPhone 7. L'iPhone 7 à gagner tous les matins à 6h20, 7h20, 8h20. Là, vous trouverez pile dedans. L'iPhone 7 à gagner avec notre info ou mytho du jour. Vous jouerez dans un instant avec Cariole d'un côté et Romano de l'autre. Oui. Et tout de suite, on va jouer avec la question de sélection parce qu'il faut d'abord être sélectionné pour pouvoir gagner l'iPhone 7. Eh ben, sélectionnons-nous. Sélectionnons tout de suite. Écoutez bien l'info que je vous donne, c'est une info footballistique car Skyrock est premier sur le foot. Bien sûr. Oui. Et une info footballistique avec le grand retour de Zlatan et les déclarations de Zlatan Ibrahimovic. Alors Zlatan est mort de rire. Alors pourquoi il est mort de rire, Zlatan? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Car en fait, il a vu Pogba dans les vestiaires et il se voit tout nu, les footballeurs. Et Zlatan a fait une petite déclaration, dont il a lui seul le secret. Une déclaration sur Pogba. J'ai vu son zizi dans vestiaire. Il est tout petit. Ah merde. Voilà ce qu'a déclaré. Voilà ce qu'a déclaré Zlatan. J'ai vu Zizi Pogba dans vestiaire. Il est tout petit. Voilà donc la déclaration de Zlatan. Mais est-ce que c'est une info ou un mytho? Eh bien, vous nous laissez vos réponses au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Vous laissez vos numéros de téléphone, vous envoyez info ou mytho. Et je vous donne mon top officiel. Est-ce que Zlatan a déclaré ça? Vous nous laissez vos réponses tout de suite. Vous pouvez y aller maintenant. Allez-y. Hein. Ouais. Et le premier ou la première après mon top gagne le droit de jouer contre Cariole et Romano ce matin dans Info ou Mytho, nos deux grands journalistes du morning. Oui. Allez, bonne chance à vous. L'iPhone 7 au bout, c'est pour vous. Puis dans un instant, il y aura aussi Jul et Vita qu'on avait promis. Ils arrivent avant 7h30, 7h21. Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Bon, double appel, c'est parti. Allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, j'ai rien demandé, moi. Ah ben, moi non plus. 21h minuit. Non, mais je vous appelle pas, là, c'est quoi cette connerie? Ça va pas, non, espèce d'idiot. Mais je vous emmerde, madame, je vous ai pas appelé. Allez vous faire foutre. Diffoul, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva TF1. Ce soir, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blindspot, ce soir à 20h55 sur TF1. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur SFR.fr. Tous les jours, 10% en avantage carte sur non pas deux, mais trois marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, Bouton d'Or, Fiorini et choisi par vous via notre page Facebook, la marque Pâturage. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à condition, voire condition complète à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby. Portes ouvertes ce week-end avec nouvelle Mégane. Son loyer à partir de 199€ par mois et aura encore plus fort. Une reprise Argus plus 3500€. French Touch touche française. Offre pour nouvelle Mégane Life Energy TCE 100 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 800€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. 7h25 pile sur Skyrock, c'est l'heure d'info ou mytho. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, le seul morning qui vous offre 1500 euros toutes les demi-heures. Les 1500 euros, c'est dans pas longtemps, hein, dans 5 minutes, juste après les infos de Rémi. 1500 euros à gagner, mais avant ça, un beau téléphone, l'iPhone 7 à gagner sur Skyrock tous les matins. Et il est pour toi, Léna. Bonjour, Léna. Salut. Salut. Salut, Léna. Salut, Léna. T'es dans le 59, t'as 23 ans, toi, Léna, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Léna, ce matin, une question footballistique. C'est bien qu'une fille réponde à une question footballistique. Question footballistique avec Zlatan. Zlatan. Zlatan. Zlatan qui rit très fort. Il est content, il a fait une petite déclaration. Il dit, j'ai vu Zizi Pogba dans les vestiaires, il est tout petit. Mm-hmm. Est-ce que cette déclaration est une info ou est-ce que cette déclaration est un mytho? C'est un mytho. Ah, les filles, vous êtes sauvées. Hein. C'est un mytho. Mytho, pourquoi mytho? Parce qu'il a une grosse bite. Ah Non, parce que Zlatan n'a jamais déclaré ça. Il a parlé de Paul Pogba. Il a dit d'ailleurs que sa relation avec Paul Pogba était très facile. Je parle, il écoute, pas le contraire. Voilà. Donc en gros. Donc ça a le mérite d'être clair. Ouais, voilà. Je parle, il écoute, pas le contraire. Pas le contraire. Il l'a aussi complimenté. Il a dit, je le connaissais pas avant, mais maintenant que je le connais personnellement, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Il veut vraiment progresser. Il a une super attitude. Beaucoup de gens lui mettent la pression par rapport à son transfert. Mais je parle, il écoute, pas contraire. Zlatan, toujours le même. Mais Zlatan, toujours hein. Très modeste, également. Toujours, toujours, toujours très modeste. Ah, sauvé pour le zizi de Pogba. On est bien. T'es soulagé, hein, Léna. Ça va, j'aime bien Pogba. Moi aussi, j'aime bien Pogba. J'aime bien Zlatan aussi, il me fait rire, Zlatan. Ouais, il est marrant. Ah, Zlatan, il est super, ce Zlatan. Bon, alors, on a fait un petit tour du côté de Zlatan. Zlatan, c'est le best. Oui, on va passer à autre chose maintenant. On va jouer. Passer aux choses sérieuses. L'iPhone 7, il est pour toi, mais à condition de détecter le mytho, on joue avec Cariole et Romano. Ouais. C'est parti. Voilà. Info, faux ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Romano, quelle est ton info du jour? En ce moment, c'est la Fashion Week à New York. Oui, j'ai vu ça, la Fashion Week à New York. Bah d'ailleurs, t'as été défilé d'Ifoul. J'y étais ce week-end, je peux vous dire que c'était super. Vraiment, les femmes se sont jetées sur moi, les hommes aussi. C'est moi-même assez hallucinant. Et il y a un défilé qui a fait le buzz. Bon, c'est une marque qui avait déjà fait des défilés un peu spéciaux. Par exemple, le défilé précédent, les mannequins défilaient avec un cadenas pour bloquer leur bouche. D'accord. Voilà. Donc, et la dernière nouveauté cette année, le défilé a eu lieu et les mannequins ont défilé avec de la fiente de pigeon dans les cheveux. Oh, mais c'était c'est un délire un délire du directeur artistique de la marque. Oui, du calme. Et donc chaque mannequin avait un pigeon qui lui avait chié sur la tête et il défilait comme ça à la Fashion Week de New York. C'est ça les stars, c'est ça la Fashion Week, c'est ça la mode. C'est ça, ouais. Écoute bien Léna, l'info de mytho, hein. L'info de Cariole. Alors moi ça se passe à Lille, c'est un professeur de droit. Oui. À l'université qui a battu un record, en fait, c'est la vitesse en voiture, en Porsche. Oui. 309 km/h sans les mains. Ah, le mec a conduit à 309 km/h sans les mains, il est prof. Ouais, ouais. Prof de droit, c'est bien. Ah ouais. Oui. Mais il est pas dangereux déjà. Et ça serait un record. Si vous avez un prof de droit comme ça, chapeau. Hein. Ouais, okay. Franchement. Il est lillois, il est pas loin de chez toi, Léna, en plus, celui-ci là. Info ou mytho? Alors, info ou mytho? Qui dit vrai, qui dit faux? Cariole ou Romano? Le défilé avec la fiente sur la tête ou alors le prof qui conduit à 309 km/h sans les mains? Alors. Je pense que Romano c'est un mytho. Tu penses que Romano c'est un mytho et que Cariole dit vrai? Eh bien, c'est gagné. Un iPhone 7, Léna, c'est gagné pour toi, bravo. Ouais. Merci. Oui, parce qu'en fait, c'est pas des crottes de pigeon qu'ils ont sur la tête, ils ont défilé avec du sperme. Oh non. Véridique, on va vous mettre la vidéo. Oh ah, il y a la vidéo en plus. C'est pas mal et c'est pas mal comme gel. Ah bah, c'est ça, comme tout. Non mais ça dégouline. Non mais c'est ignoble, là, ça dégouline et tout. C'est du gel pas cher. Et le prof, il existe vraiment. Il a conduit à 309 km/h. C'est ça, ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Bah là, je pense qu'il va plus conduire là. Du coup. Non, je pense aussi, ouais. Pendant un petit moment. Bravo, Léna, tu viens de gagner. Ah, je suis trop contente, merci beaucoup. Bah écoute, il suffit de te réveiller avec nous, de nous laisser un petit message et tu repars avec ton iPhone 7. Il est tout pour simplement. Toi. Bien joué. Bravo Léna, bravo bisous. À toi. Et dans une heure, on rejoue ensemble. Dans une heure, on vous offre. Ah ben encore un iPhone 7. Eh mais oui. Eh ouais. Avec l'invité mystère, un invité mystère à découvrir à 8h20 tout à l'heure. Une grosse bise à Léna, un grand bonjour à vous et puis un son de Jules et Vita. Bah oui, on a le temps, c'est parti. Ça les dérange, c'est sur Sky à 7h29. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. J'mettais quand j'en sais trop. Il autres sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Foutre. Vita et Jul, il est super ce morceau, c'était ça les dérange. Et il est 7h31, on vous offre 1 500 € dans un instant. Et dis donc, c'est pas encore tombé ce matin, faudrait quand même s'y mettre les amis. Hein. 1 500 € à gagner, on a eu 2 gagnants hier, pour l'instant 0 au compteur. On va ouvrir une enveloppe là. Oui, on ouvre une enveloppe, on vous appelle à la maison, on vous appelle au travail, on vous appelle au boulot, on vous appelle au bahut, on vous appelle partout. Et vous répondez Skyrock. Skyrock, et c'est 1 500 € dans la poche. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, 720, vous envoyez au 720 1 500. Ouais. Comme ça, vous pouvez vous inscrivez maintenant, peut-être qu'on vous appellera dans la matinée. Hein. Avec notre tirage au sort informatique et notre tirage au sort par l'huissier. Ouais. Allez, on se prépare. 7h32. On se prépare à écouter, bah tiens, du gros son Designer, Panda, Rap Quinry à écouter sur Skyrock. Les 21 Pilots aussi avec Ride. Mais tout de suite, les infos. Un conseil pas cher sportif aujourd'hui, vous allez voir. Ouais. Les infos, c'est parti avec la météo. Ouais, et bah une belle journée encore sur l'ensemble du pays. Ciel légèrement voilé ce matin par endroits dans le nord, notamment sur les Hauts-de-France. Ça va se gâter en fin de journée là, avec des orages, de la grêle, du vent attendu. Sur une large façade ouest, 11 départements d'ailleurs sont en vigilance orange. La concerne tous ceux du Poitou-Charente, de l'Aquitaine, mais aussi le Gers et les Hautes-Pyrénées. Les températures ce matin, alors il fait bon, entre 21 et 28, 26 en Ile-de-France. Ça dépassera les 30 quasiment partout cet après-midi, hormis sur la Bretagne et sur la côte atlantique où il fera entre 21 et 27 degrés. Puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Mulhouse. Et le poison l'actu pour tout savoir, c'est maintenant, c'est sur Skyrock, c'est l'actu et le sport. 12 000 places d'hébergement pour les migrants de Calais, de Paris, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'ici la fin de l'année. Il reste plus de 8 000 places à créer. Et dans les prochains mois, l'Île-de-France a été écartée en raison du marché de l'immobilier trop tendu. Mais aussi en Corse, la répartition se fera selon un critère démographique région par région. 464 euros, c'est en moyenne ce qui manque aux Français à la fin du mois. 20% seraient dans le rouge à la banque de manière régulière. Résultat d'une enquête publiée ce matin par Cofidis. Une mutinerie taille XXL à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Elle a duré plus de 5 heures. Une soixantaine de détenus ont refusé de rejoindre leurs cellules. Ils ont déclenché un incendie et se sont emparés d'un bâtiment après avoir volé les clés du gardien. D'importants moyens ont été déployés pour faire revenir le calme. 11 personnes ont été légèrement blessées. Les deux instigateurs présumés de cette mutinerie ont été placés en garde à vue. Apparemment, c'est une demande de sortie refusée qui aurait mis le feu aux poudres. Une ado de 15 ans grièvement blessée à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Le drame s'est produit hier à la sortie des cours dans l'enceinte d'un lycée. La victime a été poignardée dans le dos par un autre lycéen du même âge. L'agresseur est en garde à vue. Il n'a pas encore expliqué les raisons de son geste. La jeune fille est dans un état critique ce matin. Son pronostic vital est clairement engagé. Ah, c'est à moi. On fait le poids sur le sport. Avec Paris, ce soir, à suivre dans la Radio Libre, c'est la Champions League et la Ligue 2 aussi. Ouais, et les hommes d'Unai Emery accueillent les Gunners d'Arsenal ce soir à 20h45. Ce sera sans Athem Ben Arfa qui suivra le match depuis les tribunes. Le coach a décidé de ne pas le retenir dans sa liste. Un coup dur pour l'ancien niçois. Un malaise qui semble de plus en plus profond avec son entraîneur. Quoi qu'il en soit, Unai Emery devrait aligner un 4-3-3. En défense, Aurier, Marquinhos, Thiago Silva et Maxwell. Au milieu, Verratti. À droite, Rabiot. À gauche, avec Krikoviak en centre. Sentinelle et en attaque Cavani en pointe. Di Maria à sa droite et Blaise Matuidi à gauche. Rendez-vous dans la radio libre pour suivre le match en direct. Oui. L'épilogue de la 6e journée de Ligue 2. Strasbourg a dominé 3-0. Belle performance des Alsaciens qui leur permet d'être deuxième du classement à un point d'Amiens. Et puis une bonne nouvelle pour les fans de Jul. Le rappeur marseillais va bientôt partir en tournée avec Skyrock. Les dates ont été annoncées hier. Il sera chez lui au Dôme de Marseille le 18 décembre, à la Galaxy d'Amnéville le 20. Au Zénith de Nantes le 22. Au Zénith de Paris. Zénith. Mais n'importe quoi. Au Zénith de Nantes le 22 et au Zénith de Paris le lendemain le 23. Bien évidemment, on vous fera gagner plein de places très bientôt. Et les billets sont en vente dès aujourd'hui, je vous dis, parce que ça va vite partir tout ça. Ah oui. Merci Rémi, on te retrouve tout à l'heure à 8h. Il est 7h35 sur Skyrock. Et à 7h35, c'est l'heure de vous offrir 1 500 €. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et au programme avant 8h du matin, votre horoscope de l'amour, il arrive dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Ah, le top win, top lose. Aujourd'hui, c'est le loser du jour qu'on va découvrir. Et je vous donne un petit indice, tiens déjà. Le loser du jour est un rappeur aujourd'hui. Ah ouais, le loser du jour à découvrir tout à l'heure. Et vos conseils pas chers, j'espère que tu ne seras pas un des losers du jour, Romano. Non, tout à l'heure à 6h40, ça s'est très bien passé. Oui, tu as escroqué un Français en te faisant passer pour un Irlandais. Ouais, c'est ça, méthode d'arnaque à l'irlandaise. Ouais, on a découvert l'arnaque à l'irlandaise tout à l'heure. Et dans un instant, on va découvrir les conseils pas chers que je t'ai demandé rapport au match de ce soir PSG-Arsenal. C'est PSG-Arsenal ou Arsenal-PSG? PSG-Arsenal. Ouais. Et bien ce matin, je vais m'occuper des Parisiens et du business, de l'argent à se faire sur le dos de Paris. Ils doivent vendre moins de maillots cette année, les Parisiens, sans Zlatan. Hein. C'est possible, ouais. Ouais, parce que Zlatan, depuis qu'il a changé de club, a vendu un paquet de maillots. Il a pratiquement remboursé le prix qu'il avait coûté rien qu'avec les maillots. Il en vend dans tous les sens, Zlatan. Voilà. Bah, ça, oui, ils en vendent moins à Paris, du coup. Oui, bah oui, forcément, oui. Et là, on parle d'argent. Bon, on reste dans l'argent, il y a 1 500 € à gagner. C'est pour vous, c'est sur Skyrock. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Eh bien, pour localiser le gagnant, il faut ouvrir l'enveloppe qui est là, que je vais ouvrir tout de suite. 1 500 € à gagner pour vous. Pour vous, si vous habitez. Et on file dans le sud ce matin. On file dans le 83, on est dans le Var. Et on file même à Toulon. Et qui a été tiré au sort? C'est la famille Saï, Abdou Saï, qui a été tiré. On va appeler chez les Saï, on va leur demander quelle est leur radio préférée. Et comme toutes les demi-heures, il y a 1 500 € à gagner. Et c'est Skyrock, la réponse. Ah oui. Allô. Allô, Abdou. Oui. Oui. Ça va, Abdou? Ça va. Ça va. On est en direct à la radio, Abdou. Oui. Oui, on t'appelle ce matin, on t'a tiré au sort et on a 1 500 € à t'offrir. Je suis en train d'écouter Skyrock, là, c'est pas vrai. Ah, tu écoutes Skyrock. Est-ce que c'est la bonne réponse? On va voir ça tout de suite. Quel suspense de fou, là. Un suspense de fou ce matin. Quelle est ta radio préférée, Abdou? Bah, Skyrock. Eh bien, c'est gagné, Abdou. Bravo, Abdou. Et tu viens de gagner en direct ce matin sur Skyrock à 7h37, 1 500 €, Abdou. Bien joué. Ah, vous me prenez pour un con, en Romano. Eh mais non, mais c'est vrai en plus, hein. T'as gagné 1 500 €. Veux-lui pas. Non, Abdou, je ne me permettrai pas. Non, t'as gagné. T'as une grosse voix, on sait jamais. T'as bien gagné 1 500 €, Abdou, ce matin. Mais si. Bah, je vous crois pas, là, je suis en galère au chantier. Bah, 8h, je suis debout. T'as pas une radio à côté de toi, mais Skyrock, tu vas voir, t'es dedans. Et j'écoute sur mon téléphone. Ah bah oui, forcément, là, tu peux pas nous écouter. Ouais. Donc on va vite raccrocher, mais on va vite t'envoyer aussi ton chèque de 1 500 € à Toulon. Il fait quel temps à Toulon? Il y a plein de soleil ce matin, j'imagine. Ah, il y a plein de soleil. Il manque juste les nanas. Bah oui, t'as l'argent, t'as le soleil. Les filles, si vous êtes du côté de Toulon, n'hésitez pas, un beau gosse vous attend. Allez faire un tour sur le chantier d'Abdou. Oui. Ouais, venez. Ah, dites-leur, ils viennent à l'avenue 83. Venez à l'avenue 83, nouveau centre commercial. Il y a des super petites baraques de chantier. Magnifique. Sur lesquelles vous pourrez découvrir Abdou et son chèque de 1 500 €. Ah, mais bon, tranquille, merci beaucoup. Eh ben bravo, Abdou, ça fait plaisir. Bien joué, donc, 1 500 €. Bien joué, ouais. Tu vas faire quoi avec tes 1 500 €, tu sais déjà? Ouais, je vais m'acheter un 450 YRZ. Qu'est-ce que c'est? Un 450 YRZ. C'est une moto, non? Mais c'est une moto. Ouais, c'est un quad. Mais c'est un quad, carriole, évidemment. Ouais. Quelle naze. Ah ouais, c'est pas croyable. Elle connaît même pas les quads. La naze, c'est ouf. Ah, j'hallucine, c'est toutes les meufs. Hein. Oh bah, t'as vu, elles connaissent même pas le quad. Hein. C'est fou. Bon, super Abdou, on t'envoie le chèque très très vite à Toulon. Bien joué, t'es le premier gagnant de la matinée, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. Raccroche pas. Bonne journée. Et reste, raccroche pas, on prend juste tes coordonnées pour que tu reçoives le chèque dans la semaine, tu vas le recevoir très vite, là. Quitte pas, Abdou. Okay. Salut Abdou. Salut, Abdou. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oh, et c'est Designer tout de suite avant les conseils pas chers. Designer et Panda, une découverte Skyrock. friend, friend. I got broads in Atlanta, just the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you ban it. Killers understand it. I got broads in the land. Twisted to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the loose in the van. Legacy, family. Why is it look like a family? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it family? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean and shoot, sippin' Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you shoot, let designer, over to let it shoot. They be acting rent, I know we clap you. I be pulling us up in the Fanta shoot. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no camera? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but pull it, you're panic, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, just count for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like I'm feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby Trinity. Chop the dawn, doing business in the brave. Doing the pool, I'm doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are big. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the fan. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they can pull up your band. Killers understand me. Panda. Panda. Panda. Le son de designer sur Skyrock, c'était Panda à 7h42. Et j'ai lancé un défi à Romano tout à l'heure, il y a une heure. Je lui ai dit, il faut trouver un conseil pas cher, rapport avec le PSG. Ah bah ça y est, je l'ai trouvé. Rapport avec le match de ce soir, PSG-Arsenal, c'est le début de la Champions League. Demain, il y a Lyon et Monaco aussi, ouais, qui jouent demain. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, les matchs à suivre, évidemment, dans la Radio Libre sur Skyrock, on suivra ça ce soir. Est-ce que le PSG est en mauvaise pente, en mauvaise voie cette année? Pas facile le début d'année, ami parisien. Qu'est-ce qui se passe, Karim? Ah, c'est compliqué, ouais. Et c'est compliqué. Changement d'entraîneur, tout, faut que ça prenne la sauce, quoi. C'est un peu la panique, vous êtes 7e au classement, dis donc. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce mais bon, devant Saint-Etienne, devant les autres. Pour c'est la Bérésina. Tu trouves, Romano, c'est la Bérésina? Bah, on s'attendait à mieux, c'est le bordel un peu. Ouais, c'est un peu le bordel, mais bon. Est-ce qu'ils vont trouver leur style de jeu, leur nouvelle mais technique, oui, avec leur nouvel entraîneur? Oui, bah, déjà, le style de jeu ce soir, c'est sans Ben Arfa. Oui, il y aura pas Ben Arfa, on en parlait dans les infos. Ouais, c'est... Mais il y aura Rabiot. Il y aura Rabiot. Il sera titulaire normalement. Tu l'aimes bien, Rabiot? J'adore. Ah, mais ça, Romano, elle l'adore. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a plein de cheveux. Mais il est vilain en plus. Il a des cheveux. Ah non, il est très beau. Non, mais c'est ça, mais pourquoi t'aimes bien? Parce qu'il est canon. Parce qu'il est canon et qu'il a plein de cheveux partout, surtout. Ouais, ouais. Un peu jeune, mais bon. Un mec sans intérêt pour moi. Cariole aime les mecs très mûrs. Ouais, c'est ça. Ouais, chauve si possible. Non, mais ça va, j'ai pas 45 piges, j'ai 21 ans, moi. Bah attends. Je suis plus jeune que Rabiot, là. Mais pas de cheveux. Il a 20 ans, gros, je crois. J'aime bien Rabiot, moi. Ben c'est parti pour les conseils pas chers, spécial PSG. Qu'est-ce qu'il a trouvé pour nous, Romano? Ben, on va tout savoir. Ah, de magnifiques objets. Cristiano Ronaldo gagne 2€ par seconde. Romano sera-t-il plus fort que lui ce matin? Sans doute. Ah bah, comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que tu vends ce matin? Les sous-vêtements de la boutique du PSG. Parce que j'ai vu qu'il y avait du matériel. Tu les as volés à qui? Ah bah, je les ai volés à qui? Je les ai volés à Karim. Ah, tu les as volés à Karim? Ouais, les miens, ouais. Les sous-vêtements du PSG, s'ils ont disparu, c'est lui qui les a volés, regarde. Ah, c'est toi, enfoiré. Il y avait Boxeur Capital PSG X Pouline. Ils sont pas vilains. Ouais, ça va, ouais. Ça va, les boxers du PSG. Il y a également la culotte capitale PSG X Pouline, ouais, la brassière, alors, la c'est... culotte strip. Ah bah, ah, la putain, culotte, la ça. Culotte, je la prendrais pas, moi, perso. Ouais, bon, il y a pire, il hein, y a plus moche. Oui. Ah, mais c'est pour femme, c'est pour, je comprends pourquoi je la prendrais pas. Putain, par contre, c'est pas donné, le boxer pour homme, c'est 40 balles le putain, boxer. Ouais. 40 balles. Ouais, et 30 balles la culotte pour les femmes, et si tu veux la brassière avec, c'est 30 balles de plus. Eh bah, dis donc. Putain. Eh bah, oui, ça coûte cher, il faut souffrir pour être belle et en PSG. Allez, c'est parti, direction des familles, je vais leur proposer. Ah, au hasard, comme ça. Ah bah allons-y. Bienvenue au restaurant Les Princes. Merci de rester en ligne. Nous allons prendre les votre traces. Appel. Les Princes. Ah, Les Princes, pardon. Comme le parc des Princes. Parce que Les Traces en vendant des caleçons et des c'est pas mal. Restaurant Les Princes, bonjour. Oui, bonjour le restaurant Les Princes. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour la commande que vous avez fait sur internet pour les caleçons et les culottes PSG. Comment ? J'ai des caleçons et des culottes PSG à vous amener. A priori, c'est pour le personnel ce soir. Vous vous habillez spécialement. Ah bon ? J'étais pas au courant. Bah voilà, bah donc je vais t'amener le matériel. Tu pourras me faire un petit défilé ? Ouais, bah si tu veux. Ouais. Et c'est pas cher. Le boxer, c'est seulement 80 euros. Tu les fais pièce, au double. Pièce. Ah, et la culotte, c'est 60 euros. Ça va ? Je te mets une culotte et une brassière pour toi ? Ouais, mais moi les deux, ouais. Ouais, tu seras mignonne comme tout. Bah, j'arrive dans 5-10 minutes, comme ça tu me fais un petit défilé dans le bar et puis je vois ce que ça donne. Non, mais c'est quoi cette connerie là ? Bah, non, mais c'est pas une connerie, hein. C'est pour le match de soir, PSG Arsenal. Ça ressemble à une connerie de la radio, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein ? Non, pas du tout. J'ai rien de Skyrock. Non, alors là. Je ne te permets pas. Je te permets pas. Bon, bah, de toute façon, j'arrive, tu me reconnaîtras, je suis petit chauve à lunettes. Voilà, bah, c'est ça. Je vous ai écouté il y a 10 minutes, alors. Eh bien, salut à toi, ami auditeur. Toi, tu travailles juste en face du PSG, toi. Bah oui, j'ai essayé de vous appeler tout à l'heure, hein, mais vous m'avez pas rappelé. Donc. Ah, t'as essayé de jouer ? Bah, ah oui. Merde. Ah bah, bah merde, oui. Alors. Bah tu vois, c'est nous qui t'appelons, on est super, hein, t'as vu ? Eh, t'as vu, je t'appelle pour t'escroquer en plus. T'y perds pas au change. Tu vois, t'as déjà vu les joueurs qui sont venus boire un verre chez toi ? Non, ils viennent jamais ? Ouais, non, de temps en temps, mais non, pas les gros joueurs du moment, quoi. Ouais, et tu es supporter du PSG ? Ouais, beaucoup. Ce soir, gros match, hein. Ah bah, on va suivre ça sur Sky ce soir dans la radio libre, hein, PSG Arsenal. Qu'est-ce que tu penses du début d'année du PSG, toi ? Moyen. Aïe. Très moyen. Très moyen. Oui, ça joue moins bien que l'année dernière. Ouais, on s'attendait à mieux, ouais. D'après toi, ça vient d'où ? Ça vient du nouvel entraîneur ? Ça vient du fait que le grand Zlatan ne soit pas là ? Ah, le grand Zlatan, je pense. Ah, le grand Zlatan. Ah. Zlatan, il se baisse. Il nous manque. Oui, mais Zlatan était parti. Il est parti. Bon, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock à défaut des. Ah bah non, parce que Romano vient te les livrer, pardon, excuse-moi. Bah oui. Ouais, bah je viens de te livrer tout ça ce matin. Ouais, petit boxeur, moi je l'ai vu. Je prendrais bien la culotte à ta place. La culotte, elle est toute mignonne. Oh, oui, mignonne. Tu peux laisser dépoisser les poils, nickel. Ah ouais, à mon avis, tu vas être sexy là-dedans. Magnifique. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Avec plaisir. C'est quoi ton prénom ? Xavier. Bah merci Xavier, tu salues tout le monde au bar là. Ok, très bien. Et puis branche à fond Skyrock. Ok. Salut Xavier, bonne ciao. Journée, salut. Et bon ciao. Courage pour merci. La journée. Salut à toi. Merci. Et bravo Romano. Bravo à moi. Bravo. L'humilité. Raccroche pas Xavier, reste là. Ok. Salut Xavier. Et bravo Romano, donc pour tes conseils pas chers, c'est bien, dis donc. Ouais, c'est pareil, c'est vendu. Tu ne seras pas le loser du jour. D'abord, le loser du jour, je l'ai annoncé, c'est un rappeur aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui s'est énervé, un rappeur qui s'est énervé. Il s'est énervé, pas content. Ouais. On va tout savoir dans français, un. Français, américain. Allez, je vous donne un indice. US. Ah, US. Donc américain. Bien joué Romano, qu'est-ce qu'il est fort. T'es pas con, toi. Et ouais, un rappeur américain qui sera notre loser du jour à découvrir sur Skyrock. Et puis dans une minute, votre horoscope de l'amour. Et le son, j'avais promis les 21 Pilots, on va les écouter avec Ride sur Sky. L'horoscope dans une minute, il est 7h48. Leclerc. Ouais, vive la rentrée. 40% de réduction immédiate chez Leclerc. Enfin Philippe, c'est quoi tout ce raffut ? Ah bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. Et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc. Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose ? Je vais faire un saut chez Leclerc. C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40%. Voilà, vive la rentrée chez Leclerc. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunes. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15 euros. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock à 7h49. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, les lovers, les loveuses, c'est pour nous. L'horoscope de ce matin avec les Sagittaires et les Béliers qui ont 5 sur 5, meilleure puissance amoureuse du jour. Bravo. Super. Alerte canicule du côté de vos amours aujourd'hui. Ça va être très très chaud ce mardi. Profitez bien. 4 sur 5, les Balances et les Verseaux. C'est bien pour vous aussi. Ouais. Votre petit côté inaccessible va vous rendre irrésistible aujourd'hui. Wow. Les Balances et les Verseaux. 3 sur 5, les Capricornes et les Gémeaux. Les amis, la famille, les collègues, tous les gens qui vous aiment pourront compter sur vous et vous pourrez aussi compter sur eux. Donc tout va bien. Capricorne, Gémeaux, 3, c'est bien. 2 sur 5 pour les Scorpions et les Lions. Si vous êtes célibataire, ne vous énervez pas si quelqu'un vous résiste. Vous y arriverez à force de persévérance. Même si c'est un peu douloureux, vous y arriverez quand même. Et pour les couples, votre partenaire aura besoin de soutien. Ne l'oubliez pas, Scorpion, Lion. 1 sur 5, les Cancers et les Taureaux. Si vous sentez la jalousie vous envahir, ne réagissez pas à chaud. Non, il ne faut pas réagir comme ça. Jamais réagir à chaud. Et 0 sur 5, c'est pour les Vierges et les Poissons aujourd'hui. Petit conseil pour vous, faites gaffe aux hypocrites aujourd'hui. Ils risquent de vous gâcher la journée. Aïe. Ne vous confiez pas au premier venu et tout ira mieux pour vous, les Vierges et les Poissons. Il est 7h50. Dans 10 minutes, on offre à nouveau 1500 euros. Encore. Ouais, préparez-vous. Inscrivez-vous d'ailleurs. Envoyez 1500 au 720-20, on ne sait jamais. Ça peut vous augmenter vos chances de gagner. Et puis, dans un instant, le loser du jour. Alors, c'est qui le rappeur loser du jour? On découvre après les 21 Pilots dans le morning sur Skyrock. C'est Ride. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. Le son de 21 Pilots sur Skyrock à 7h53. Et à 7h53, c'est notre top lose, top win du jour. Et ben aujourd'hui, c'est un top lose. Le loser du jour, on va le découvrir ensemble. Le loser du jour. Le loser du jour. Il est là, notre loser du jour. Loser du jour, un rappeur qui s'est énervé. Il est pas content. Écoutez sa voix, c'est lui. What's up? What's up? Ça va, ça va, ça va, ça va bien. Skyrock. Ouais, Skyrock, c'est nous. Vous l'avez reconnu? Non. Non, t'as pas reconnu? Non. Et là? Fuck ugly bitches. Oui, oui, il te dit oui. Fuck ugly bitches. On a bien reconnu. Ugly bitches. Oui, fuck oui. Ugly bitches. C'est Chris Brown. Yeah. Come on, my nigga. Yeah, yeah, yeah. Chris Brown. Toujours très énervé, ce Chris Brown. Qu'est-ce qui lui arrive cette fois-ci? Bon, alors là, il était lors d'un match de charité pour le 11 septembre, organisé par la radio rap R&B de Los Angeles, Power 106. Ouais. Donc, ils organisent un grand gala. Ils sont dans une salle de sport avec plein de supporters, plein de basketteurs. Et Chris Brown en tenue de basket sur le terrain. Alors déjà, ça a commencé la commémoration. Lui, il a oublié de se lever pour l'hymne national. Donc, il y a l'hymne national. Tout le monde est levé. Lui, il était avec ses potes. Il rigolait. D'accord. Il était là. Il parlait des meufs. Oh, ugly bitches. Bon, tranquille. Bon, à ce moment-là, il voit un spectateur et il se dit, Chris, oh, il parle mal de moi, le spectateur. En fait, le spectateur disait absolument rien du tout sur lui. Hein. Chris Brown est un peu parano. À ce moment-là, Chris Brown se lève. Là, c'est le moment où il se lève. Ouais. Il se lève et il se jette sur le spectateur et commence à se prendre la tête avec lui. Et là, baston entre le staff de Chris Brown, entre le spectateur, les autres spectateurs et Chris Brown. Le match de charité s'est donc bien déroulé. Ouais, une bonne ambiance. Grâce à Chris, toujours en pleine forme. Qu'est-ce qu'il a, Chris Brown, ces temps-ci? Bah, je crois que ça est la drogue. Ouais, trop de drogue. Trop de drogue tue le cerveau. Ça lui monte un peu à la tête, là. C'est vrai, mais il s'est énervé. Le mec disait rien. Il s'est pointé vers le mec et lui fait What the fuck? What the fuck? Bon, le mec faisait le double de son poids, quand même. Ouais. On a les images, d'ailleurs, on va vous les mettre. Les images du match de charité. Oui. On va vous mettre sur les réseaux, tous les réseaux de Skyrock. Skyrock FM, vous allez pouvoir découvrir. En même temps, Chris Brown, il peut se faire un de faire le kéké quand tu sais que derrière il a 10 gardes du corps qui sont là pour le protéger. C'est ça, ouais. C'est tout de suite plus facile de faire le malin. Et là, tu dis à tout le monde Fuck ugly bitches. Ouais, c'est clair. Fuck ugly bitches et après, pam. Et bim. Voilà, c'est Chris Brown. C'est bien, toutes les semaines, on a des nouvelles de Chris Brown. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, aujourd'hui, c'était. Pas que des bonnes, mais bon. Pas que des bonnes, c'est vrai. Aujourd'hui, c'était notre loser du jour, Chris Brown, qui nous a fait plein de cartons, hein, rappelez-vous. On dirait pas que le mec qui chante ça, il peut s'énerver comme ça. Hashtag Pitbull. Ouais. Oh, oh, oh. International love. Ah, Chris Brown. Oh, loyal. C'était bien ça aussi, hein. Du jour aujourd'hui, un truc à rajouter, Chris. Fuck ugly bitches. Merci. Thank you. Fuck ugly bitches, ce qui veut dire va te faire enculer, vilaine moche. Voilà. Vilaine pute, pardon. Oui, c'est ça plus. Là, c'était Chris Brown. Il est 7h57. Allez, vite, 1 500 € à gagner dans un instant. C'est pour vous, c'est sur Sky. 7h57. Il rentre dans la surface, il tire et c'est le but. Avec la Total Sport à 35 € par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et Bein Sport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain-Arsenal à 20h45 en exclusivité sur Bein Sport. Et demain, Tottenham-Monaco à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute plus prix de l'appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et Bein Sport. Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. Le lave-linge Hublot 9 kg Indesit est à 279,99 € au lieu de 499,99 €. 220 € d'économie, dont 20 en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Bon, je te laissais du poulet dans le frigo. Ben, tu vas où? Ben, chez But. Sans moi? Non, mais je rêve, mais attends-moi. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Renault Twingo est à partir de 99 € par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Intermarché crée l'exploit avec la perceuse visseuse sans fil la moins chère de France. En ce moment, à 29,90 € chez Intermarché. Les quantités sont limitées, alors n'attendez pas. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 000 pièces disponibles. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Bein Sport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Bein Sport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain-Arsenal et demain, Olympique Lyonnais-Dinamo Zagreb en direct et en exclusivité sur Bein Sport. Voir conditions sur beinsport.com. par an. Vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris? Mais vous hésitez. Parc Disneyland? Ou parc Walt Disney Studios? Profitez des longues soirées d'été devant le spectacle Disney Dreams. Ou vivre une aventure complètement toquée avec Ratatouille. Eh bien, taratata! En ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul. Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. Roule Raoul! En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs Disney pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur DisneylandParis.com. 6h-9h. Good morning. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Et bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue si vous arrivez sur Skyrock. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Le Marchand est venue nous rendre visite ce matin. C'est pour le réveil de Star qui arrive dans 10 minutes. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Mais c'est comme ça tous les matins, ma chérie. Ouais. Tous les matins dans le morning en direct sur Skyrock. Le réveil de Star de Karine Le Marchand, c'est à 8h10. À 8h20, à l'heure, on jouera à l'invité mystère. Une invitée mystère à découvrir. Ah, je vous l'ai dit, c'est une femme. Allez, je vous donne un indice. Une invitée mystère à découvrir ce matin. Et 1500 euros à gagner en Corse. Tombé il y a une demi-heure chez Abdou. Ouais. Bravo Abdou sur le chantier ce matin-là. À Toulon, il a répondu Skyrock. Il a gagné. Et ben, ce sera peut-être votre tour. Et ben, dans 2 minutes. Après les infos de Rémi, le point sur l'actu. Ça va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Une belle météo. Un peu orageuse pour certains, écoutez bien. Ben oui, c'est vrai, un petit peu orageuse pour certains. On va commencer par là. Il va y avoir de la grêle, des rafales de vent, des orages. Et ce sera à l'ouest. 11 départements en vigilance orange. Tous ceux du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine, mais aussi le Gers et les Hautes-Pyrénées. D'ici là, eh bien, ça sera une belle journée quand même, avec un ciel très légèrement voilé par endroits dans le nord et notamment sur les Hauts-de-France. Les températures encore largement au-delà des normales de saison. Il a fait très chaud cette nuit. Et puis ce matin, entre 21 et 28 partout, ça dépassera les 30, hein, quasiment partout cet après-midi, hormis sur la Bretagne et la côte atlantique, où là, bah forcément, ça va se rafraîchir un petit peu, entre 21 et 27. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Mulhouse. Et du gros son à écouter, on écoutera Drake avec One Dance, il y aura du Jason Derulo, tiens, un grand classique de Jason Derulo à écouter avant 8h30, du Soprano aussi, et tout de suite, les infos et le sport avec toi Rémi. Et une première nuit en prison pour celle que la presse a surnommée le commando des femmes. Les trois terroristes présumés arrêtés la semaine dernière en région parisienne ont été mises en examen et écrouées. Elles préparaient un attentat de manière imminente après la découverte, vous le savez, d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz à Paris. Un mineur de 15 ans a également été présenté à la justice et placé en détention. Il comptait attaquer le plus de monde possible avec un couteau. Le point commun entre ces deux affaires, eh bien, semble être Rachid Kassim, le Français de 29 ans, originaire de Roanne et soupçonné de tout téléguider depuis la zone irako-syrienne. Un jeune homme de 25 ans qui s'accuse du meurtre de sa mère. Dramatique fait divers qui s'est produit au Havre. L'individu l'aurait étranglé avec un lacet de chaussure. Il aurait agi sous la colère car sa mère refusait de le laisser partir en Syrie pour y faire le djihad. C'est lui-même qui a prévenu la police. Il souffre apparemment d'antécédents psychiatriques. François Hollande en visite en Roumanie aujourd'hui. Le président est arrivé sur place hier soir. Il doit rencontrer son homologue roumain là d'ici une petite heure à 9h. Le chef de l'État se rendra ensuite dans le centre du pays. Il va y inaugurer une nouvelle usine d'Airbus destinée à fabriquer des hélicoptères. Non, elle ne s'est pas évanouie, elle a juste eu un petit vertige. Voilà, Hillary Clinton s'est exprimée hier au téléphone sur la chaîne américaine CNN. Elle a voulu rassurer tout le monde et puis un petit peu dédramatiser l'affaire. Alors la candidate démocrate assure que tout va bien, elle n'a pas nié avoir une pneumonie, mais elle se repose, elle reprendra sa campagne dès cette semaine, aujourd'hui ou demain. Voilà, un petit peu de repos quand même, de répit. C'est Bill Clinton qui a quand même l'expérience, hein, qui va la succéder, qui va la remplacer. Bon, enfin, un tour sur le sport. Eux, ils sont en forme, j'espère pour eux en tout cas. C'est Paris pour la Ligue des Champions et faire un point sur les JO aussi. Oui, mais les hommes d'Unai Emery accueillent les Gunners d'Arsenal ce soir à 20h45. Ce sera Santem Ben Arfa qui suivra le match, non pas sur le banc de touche, mais carrément dans les tribunes ou même peut-être chez lui. Le coach a décidé de ne pas le convier dans cette liste. Sa prestation contre Saint-Etienne vendredi soir ne l'a vraiment pas convaincu. Il lui avait demandé, hein, avant le match, d'être moins personnel, plus collectif. Un coup dur donc pour l'ancien niçois et un malaise qui semble de plus en plus profond avec l'entraîneur, même si rien n'est scellé dans le temps. Rendez-vous ce soir dans la Radio Libre pour suivre cette rencontre en direct. Ça va être chaud du côté d'Arsenal. On sait que Arsène Wenger a confirmé la présence de Koscielny. On avait un petit doute. Il s'était blessé au visage la samedi dernier, mais tout va bien. Donc il sera bien ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Et puis une nouvelle médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Rio. Amélie Le Fur double la mise après s'être imposée sur la longueur. Et bien elle a remporté le 400 mètres T44 réservé aux athlètes amputés d'une jambe. La native de Vendôme dans le Loir-et-Cher s'octroie même le record du monde. Bravo à elle. La France a pour l'instant 11 médailles, dont 3 en or. C'est bien les Français. Bravo les Bleus. Bravo les Bleus. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. Il est 8h06 sur Skyrock. Chaque matin, le morning de Difool te réveille en direct de l'appart de Difool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Ici, c'est la cuisine où Difool essaie encore de faire du café. J'ai du café partout et le standard aussi. Romano, là, il est en train de... Voilà. Carriole est sous la douche. Et dans la salle à manger, il y a Cédric et Rémi en train de bouffer tous les croissants. Oh non, sérieux les gars, non. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Mais Rémi a aussi mangé Cédric, puisque Cédric n'est pas là ce matin. N'importe quoi. Non, Cédric a la clavicule cassée. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. La clavicule, comme il dit Cédric. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai la clavicule cassée. Non, Cédric, c'est la clavicule. La clavicule. Non, tu vas passer pour un compo auprès des médecins. La clavicule. Monsieur, on ne comprend pas ce que vous dites. Enfin, big up à Cédric d'ailleurs ce matin. Et Karim remplace allègrement Cédric ce matin. Ouais, eh ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau voisin, Cariole? Ouais, c'est toujours mieux que Cédric. Hein. Cédric, dédicace à toi de la part de Cariole également. On pense à toi et a priori, tu nous manques beaucoup. Allez, puisqu'on y est, il y a Chris Brown qui a un truc à te dire, Cédric. Fuck ugly bitches. Voilà, je vais te mettre une voilée. Fuck ugly bitches. Bon, heureusement, Karine Le Marchand est avec nous. Elle arrive dans un instant. Et elle arrive pour le réveil de star. Bonjour. Bonjour. Ça fait 10 fois que tu me dis bonjour. C'est ce j'allais matin. Dire aussi. T'es déjà venu à 6h10, c'est à 7h10, Karine. Mais oui. Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va toujours ça va. Depuis tout à l'heure. On est content. Bon, Cédric n'est pas là, Karine, hein, tu le sais. Hein. Ah oui. Oui. La belle bête. Oui, la belle bête n'est pas là ce matin. Non, elle n'est pas là. Elle a la clavicule cassée. La clavicule, elle est cassée. Mais c'est génial. Mais ouais, mais c'est super. Ah bah, effectivement, c'est vraiment le top. Bon, Karine Le Marchand, réveil de star. On va voir si Karine arrive à séduire ce matin. Opération séduction dans le réveil de star. À 8h20, je vous l'ai dit, on jouera à l'invité mystère. Mais tout de suite, allez, on vous offre 1500 euros à gagner sur Skyrock. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant, et c'est tombé il y a une demi-heure à Toulon. On va voir si ça tombe maintenant. Romano, tu ouvres l'enveloppe. Et hop là, quelle déchirure. Bravo. Oui. Alors, nous allons à Bobigny. À Boboche. Boboche dans le 9-3. Ouais. Et c'est Stéphanie Nguyen qu'on appelle tout de suite pour gagner 1500 euros. Bah pour gagner 1500 euros, il faut répondre Skyrock. Facile. Ouais. Toutes les demi-heures, on vous offre de l'argent. Ouais. La rentrée, ça coûte cher. C'est toutes les demi-heures, tous les matins sur Sky. J'espère que ça va tomber chez Stéphanie. On est à la troisième sonnerie. Il faut qu'elle réponde avant la cinquième. C'est bon. Allô. Stéphanie. Madame Nguyen. Allô? Stéphanie. Vous parlez maintenant. Stéphanie, allô? Ah bah Stéphanie. Allô? Stéphanie, elle parle pas, gagne pas. Hein. Oh. Vous connaissez, pas de bras, pas de chocolat, mais vous connaissez également, parle pas, gagne pas. Ouais, aussi, ouais. Bah, c'est pas parle pas, elle gagne pas. Eh ben désolé Stéphanie, c'était Skyrock au téléphone. Quand même, dommage. Allô dommage. C'est trop tard maintenant. Ah c'est bête. Eh ben, allô. Oui, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour, c'était Skyrock au téléphone. Ah, c'est pas possible. Eh ben si c'est possible. Si. Eh ben si c'est possible. Qu'est-ce que t'as foutu avec ton téléphone, mon Dieu? Pourquoi t'as pas parlé? Mais parce que en fait j'ai répondu tout à l'heure et j'ai dit allô mais ça a raccroché. Ah bah non, c'était pas nous ça. Ah oui, ah, ben oui. Okay, parce que nous on raccroche pas sinon on n'offrirait jamais 1500 euros, c'est pas mal ça comme idée. Tiens. T'as bien, c'est pas mal comme technique quoi. Ah, ouais, on va garder en tête. Non. On a raccroché. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Là je suis devant mon ordinateur, je crois que je vais faire une crise cardiaque. Non, c'est ne fais possible. Pas de crise cardiaque, je vais te faire du bouche à bouche dès 9h15, je peux venir. Ah ben elle a l'air enchantée. Oui, ça doit faire plaisir. Ah, je vais demander à Karine Le Marchand un bouche à bouche. Mais c'est génial. Ah bah c'est super. Bon bah désolé Stéphanie, on va t'envoyer un cadeau quand même. Et oui, il faut répondre ouais. Skyrock pour gagner 1500 euros. On était à Boboche. On recommence tout à l'heure. Tu raccroches pas Steph, on te fait un bisou hein. Bisous. Merci. Un bisou. Bisous Steph. Et en plus elle nous connaissait Steph. Mais oui. Bah oui oui. On vous tire partout au sort dans l'annuaire, parmi les inscriptions, tout ça. Inscrivez-vous 7-20-20, vous envoyez 1500 et vous gagnerez peut-être 1500 euros tout à l'heure à 8h30 parce que c'est pas fini. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ça c'est Drake sur Skyrock. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, le grand Drake avec One Dance. Si vous kiffez Drake, restez bien sur Sky. On va vous annoncer très vite quelque chose de super avec Drake. Ah ouais, il est 8h13. Tiens, je vous annonce quelque chose de super avec Soprano. Les places de concert pour aller voir Soprano, c'est à gagner avant 9h. On écoutera Sopra d'ailleurs, je l'ai promis avant 8h30. Promis, Soprano arrive dans un instant. Grand classique de Jason Derulo. qu'on retrouve avec 2 Chainz, c'est Talk Dirty. Talk Dirty, baby. Ça parle mal, man. Ouais. J'espère qu'elle va bien se faire parler, elle, en tout cas, qu'on va bien lui parler à Karine Le Marchand. Oui. C'est elle pour le réveil de star ce matin. La belle Karine Le Marchand de L'Amour est dans le Pré sur M6. Elle est avec nous dans le morning sur Skyrock. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui c'est, vous êtes. C'est le réveil de star sur Skyrock. Qu'est-ce qu'il sait? Enchantée. Karine. C'est Karine. Karine Le Marchand de L'Amour est dans le Pré. Mais oui, elle-même. Bonjour. Bonjour les animaux. Bonjour. C'est les amis de Karine Le Marchand. Elle est venue avec tous ses amis. Bon, là, c'est un cheval, là. Non, pas du tout. J'adore les chevaux, là. C'est génial, les chevaux, là. Non, les chevaux, déjà. Oh, bon réveil. Voilà, ça, c'est une poule. Non, c'est un coq, mais c'est pas grave, Cédric. Karine Le Marchand qui, ce matin, va réveiller Didier. Va-t-elle arriver à séduire Didier? Eh bien, c'est parti, c'est le réveil de star à 8h14. C'était Didier, ça, non? C'est lui, il arrive. Ouais. D'accord, très bien. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Tu fais un peu Baba Cool? Baba Cool. Tu te reconnais dans cette appellation? Cool. Mais disons, t'as un langage... T'es pas Baba Cool? Non, et qu'est-ce que tu veux? T'es plutôt pas mal, hein? Ah bon? Bah donc ça va, t'as du succès avec les filles. Ouais. Tu vas souvent dans les soirées, tout ça? Ouais. Grave. Tu danses? Pas trop. Qu'est-ce que tu préfères danser, toi? Bah, le slow, tout ce qui colle, chaud, tout ce qui frotte, voilà. On ne boit pas que des Diabolo fraises? Et est-ce que tu baises? Oh, non. Je suis plus cochonne que panthère. Ah bon, t'aimes le sexe? Le sexe est partout. Et t'es où alors? Et t'es où là? Pour qu'on se voit. En Normandie. Et t'aimes le sexe? Je suis excitée comme une puce. Hein? Non mais attends, je suis mariée, j'ai une femme. Hein? Non. Ah bah oui. Hein? Viens faire un câlin, tata caca. Ah bah, j'ai pas envie de tromper ma femme. Hein? Ça y est, je craque, c'est ça? Ça marche pas la tête, non? Oula. Ouais. Je suis animatrice, mais je suis pas totalement neuneux. Qui sait que cette connerie-là? Ah bah, genre Didier. Ah, Didier, genre à la fin. Ouais, tu sais que j'ai cornu là. Il se laisse draguer, il la drague, il lui demande est-ce que tu baises? Ah, est-ce que tu baises, hein? T'aimes le sexe? Ouais, j'adore frotter, coller les slow, quoi. Et à ce moment-là, t'entends un petit bruit derrière, c'est la femme qui arrive. Ah bah, moi, je suis marié, hein. Attends, je vais pas tromper ma femme quand même. Jamais je tromperai ma femme. Le cochon, Didier. La femme, ça n'a pas fait long feu, hein. Non, c'est clair. Bon, bah, c'était bien, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand dans le réveil de star tous les matins. Une star qui réveille les familles. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on fasse un réveil de star avec votre star préférée, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. À demander, ouais. Au 41-759 et sur l'appli Skyrock, ça arrive directement dans les studios. Mais c'est génial! Mais c'est génial. C'est les nouvelles technologies. C'est la folie. Vous n'avez pas ça, M6? Non, a priori, non, ils n'ont pas. Bon, vos messages, vous envoyez tout ça. Et le réveil de star, c'est tous les matins à 10 de chaque heure. 6h10, 7h10, 8h10. Là, il est 8h16. Tous les matins, 6h, 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Jason! Est-ce que tu baises? Non. Non, tu aimes le sexe? Oui, j'adore frotter, coller. Oui. Ça, c'était avant que la femme arrive. Jason Derulo, Talk Dirty. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No habla inglés. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met your friend in Rio. She was all on me. We can make Nazi three. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my butt. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bone and jet, what you expect? Her f- so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Stand. C'était le son de Jason Derulo sur Skyrock à 8h19, pratiquement 8h20, dans 15 secondes il sera 8h20. On est donc à l'heure pour jouer à l'invité mystère ce matin, l'invité mystère à découvrir. Ouais. Et on va parler d'une star de la télé, une star féminine de la télé ce matin. Je vous disais que c'était une femme, notre invité mystère. Ouais. Oui, tu l'aimes bien Romano, t'as vu qui c'était, parce qu'il écoutait les sons en cachette derrière moi pour pouvoir jouer. T'as pas le droit de jouer, hein, je te le dis. Hein. Ouais, ça va, elle est marrante, toi. L'iPhone 7, il est pas pour toi. Non, malheureusement. Tu la trouves marrante. Ah, merci beaucoup, thank you very much. Thank you very much. Ah, thank you very much. C'est elle, notre invité mystère. Allez-y, vous laissez vos réponses tout de suite au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Si vous avez découvert, qui dit thank you very much. Ah, c'est qui? Aïe, aïe, aïe. Oui, dans un instant, on va faire comme dans son émission. Je vais vous présenter quelqu'un et on va juger la personne, vous verrez. Ok. On en reparle dans un instant. Je vous donne pas trop d'indices, je vous en dis pas trop avant, parce qu'il faut quand même que le jeu soit suspensé. Du suspense, de la nouvelle technologie, des iPhones à gagner. Votre iPhone 7 à gagner tout de suite. Donc 41-759 et appli Skyrock. Vos réponses n'est pas Florence Foresti. Non, bah c'est pas non plus Karine Le Marchand. On a fait il y a 5 minutes Karine Le Marchand. Je vais vous donner un indice. Karine Le Marchand, t'es sur la bonne piste. Ce n'est pas Valérie Damido. Non. Non plus. Mais t'es. Oui, vous êtes dans le secteur. Allez chercher sur M6. Ouais. Allez. L'invité mystère à découvrir tout de suite. Elle est belle, elle arrive. Ah, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Allez, 8h21 sur Skyrock. Leclerc. Ouais, vive la rentrée. 40% de réduction immédiate chez Leclerc. Enfin, Philippe, c'est quoi tout ce refus? Ah, bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. Et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah, bah dis donc. Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc. C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. Voir modalités dans les magasins participants. Ah, c'est vrai que 40%? Voilà. Vive la rentrée chez Leclerc. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Tous les jours, 10% en avantage carte sur non pas deux, mais trois marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, Bouton d'Or, Fiorini et choisi par vous via notre page Facebook, la marque Pâturage. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à condition, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager, mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur SFR.fr. La Redoute Intérieure présente pour vous les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40€ tous les 100€ d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Bravo. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi de ton appli Direct Assurance, voyons. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Alors oui, vous avez eu un petit accident, mais non, vous n'allez pas perdre votre bonus 50. Alors on se calme, on va régler ça ensemble. Bravo. Si vous avez un bonus 50, chez Direct Assurance, vous le conservez même en cas d'accident responsable. C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Pour le magique anniversaire de But ce week-end, c'est magique pour les enfants. Venez déguiser chez But ou aider le magicien à retrouver ses lapins et repartez avec un super cadeau. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, voire conditions en magasin ou sur but.fr. Le mois, Carrefour! Il y a de nouvelles promotions renversantes avec le mois Carrefour. On y va? Jusqu'à lundi, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Comme sur les tablettes lave-vaisselle Sun et encore plein d'autres produits de marque. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! C'était trop bien, on y retourne. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 19 septembre, sur de nombreux produits de marque, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Valable sur les tablettes lave-vaisselle Sun, tout en 1x60. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. 8h25, bon réveil et bonne journée sur Skyrock. Bon courage si vous êtes déjà dans les bouchons. Il y en a qui sont dans les bouchons depuis tout à l'heure. Puis il y avait une panne de bus aussi tout à l'heure. J'ai vu un message de Christophe là qui nous laissait un message. J'ai pas noté ta région, mais salut Christophe. Panne une de heure... train aussi. Ah, t'avais une panne non, de train. C'était une panne de. C'est ah. Le message que j'ai vu aussi. Ah non, moi j'ai eu Christophe et panne de bus. Ah non, moi c'était une panne de train. En fait, le train n'était pas passé. Ça marche bien les transports. Et le prochain avait une heure de retard ou un truc comme ça. Ah bah écoute, bon courage. Oui. Bon courage à Christophe. Bon courage à la panne de train. Et merci pour tous vos messages. Tiens, justement, en parlant de vos messages, vous avez joué à l'invité mystère avec nous. Vous avez tenté de découvrir qui était notre invité mystère. C'est pas facile. Aïe, aïe, aïe, c'est pas facile, mais enfin vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse. Quand même, vous êtes fort. Hein. Ah, merci beaucoup, thank you very much. Non, mais non, pas toi. Non, c'était pas pour toi, c'était pour les auditeurs que je disais ça là. Alors, notre invité mystère à découvrir ce matin. On y va. Et après, je vous présenterai une dame super, vous allez voir, magnifique. Qui est avec nous en direct qui a... Mickaël. C'est Mickaël qui a été tiré au sort. L'invité mystère. L'invité mystère. What? Bonjour Mickaël. Mickaël, bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Salut. Ça va, tranquille, c'est la folie. Ouh là, c'est la folie, mais on est dans le sud, là, on est où? Eh bien sûr, à Marseille. À Marseille. À Aubagne. Ah, bien, voilà. Bien joué, Mickaël, tu représentes les Marseillais. Tu sais qu'on a offert 1 500€ pas loin, puisqu'on était à Toulon tout à l'heure, dans le Var. Eh non, j'ai pas entendu, j'étais chez un client. Eh ben voilà, ben c'est Abdou qui a gagné 1 500€, toi tu vas tenter l'iPhone 7. Eh ben bravo Abdou, ouais. Alors, Mickaël, qui est l'invité mystère ce matin? Christina Cordula. C'est magnifique. Magnifique. Ma chérie. Pas magnifique, on dit. Magnifique. Ah, magnifique. Magnifique. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Bravo. Bien joué. Ah, ben, c'est bien. Je suis content. Vraiment, merci beaucoup. Eh ben, nous aussi, on est contents. Bien avec joué, Mickaël. Le soleil, la chaleur, on est bien. Tranquille. Ouais. Bonne journée. Soleil, chaleur, iPhone 7 pour tranquille. Toi en plus. Hein. Et dans une heure, je vais à la plage. C'est formidable. Oh non. Eh, dans une heure, tu vas à la plage. Formidable. Comment tu l'as trouvé, Mickaël, Christina? Bien gaulée, ma chérie. Hyper bien gaulée, ma chérie, elle a dit. On connaît sa voix, elle est tellement elle est mythique, sa voix. Et toi, Mickaël, tu l'imites très bien. Non, non. Magnifique, tu la reconnais tout de suite. Magnifique. Très bien. Christina Cordula, de nouveau look pour une nouvelle vie. Ma chérie. Merci à tous. Merci à toi, Mickaël. Salut, Mickaël. Voilà, bisous à tout le monde et merci à tout le monde. Romano, tout le monde et bisous. Cédric, bon rétablissement. Ah, c'est gentil. Il nous écoute, on lui passe le coucou. Bisous à toi, allez, Mickaël. Allez, merci. Et, merci beaucoup. Et l'iPhone 7 a gagné tous les matins dans le morning sur Skyrock. Alors, Christina Cordula, tu as quelque chose à dire à un des membres de l'équipe, je ne sais pas, par exemple, au hasard, Romano. Attends, mais t'es un boudin. Bon, oh. Mais ta gueule, attends, non, mais tu t'es pris pour qui Tu as quelque chose à dire à Cariole? T'es belle, ma chérie. Non. Merci beaucoup. Ouais. Et pour moi? Mais hyper bien gaulé. Hein. Ah, merci. Ouais, c'est moi le boudin, quoi. Oui, j'ai choisi les sons comme ça, ça m'a oui, fait plaisir. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on va vous présenter ce matin une dame. Alors, il y a une épidémie à la télé, c'est les mamans. Alors, elle a 38 ans, elle est célibataire. Et son truc, c'est qu'elle adore les contes de fées. Oh. Ah, mais il y en a une, c'est dans Koh-Lanta qu'il y en a une aussi. Ouais, chante du Disney non-stop là. C'est ça, oui. Et ho, voilà. En rentrant du blanc. Je vous dis, il y a une épidémie à la télé. Ils sont tous. Allez, les femmes sont un peu bizarres quand elles passent à la télé. Ouais, dans Koh-Lanta, il y en a une. Et là, hier, c'était Virginie. J'adore tout ce qui est féerique, tout ce qui est fantastique. 38 ans. Toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses que j'essaye de. Que j'ai envie de retrouver dans mes vêtements. Mais ouais, donc elle devait s'habiller en princesse. Oui, en reine des neiges. Oui. Je voudrais m'habiller avec des pétales de fleurs. Mais ouais, mais ça c'est super. Habille-toi avec des pétales de fleurs. Habille-toi avec des orties. Ouais, c'est joli. Des orties, des chardons. Aussi, des pissenlits. Oui, magnifique. Donc elle veut se transformer en fée. Je voudrais me transformer en fée pour de vrai, ouais, c'est voilà. Ça. Complètement ravagée. Vous voulez la réaction de Christina Cordula? Ouais. Aïe, aïe, aïe, ma chérie. Mes yeux, ils piquent. Ah oui, c'est oh. Ah, ça m'a piqué, ouais. Non, mais ça, c'est sûr, oui. Ma chère Virginie, elle habite dans les planètes Mars. Voilà. Et Mars, c'est loin quand même. Ah bah oui, non, mais ça, c'est une bonne réflexion. Elle est pas trop. Alors, Mars, c'est loin. On va vous mettre la dégaine de Virginie sur les réseaux. Vous allez voir, c'est pas mal. Les gens ont trouvé ça génial. Même pour sortir les poubelles, je me virerais pas comme ça, quoi. Bah, moi non plus. Voilà. Personnellement, même pour sortir des poubelles, je ne m'habillerai pas comme ça. On a l'impression qu'elle part pour fêter Halloween. Oui, alors Halloween, les fées, c'est pas trop ça non plus. Non plus. Il doit y avoir un problème sur son déguisement, quoi, ses habits. Je sais pas où ils les trouvent, les gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un look, mais. Ah, particulier, ouais. Faut s'accrocher quand même, hein. Ah, j'aimerais bien voir la photo, moi. Là, voilà. Voilà Virginie. Avant Christina Cordula. Après, parfois, c'est encore pire. C'est ce qui est bien avec cette émission. C'est-à-dire que tu te dis, bon, là, c'est moche comme elle est habillée. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire, Christina Cordula? Des fois, c'est pire. Et l'autre, attends, les photos qu'il y a en bas, là. Ouais. C'est avant ou après? C'est avant. Mais elle n'est pas du tout habillée en princesse, elle habille en guenille. Mais elle fait ses vêtements elle-même. C'est la fée Carabosse. Ouais, voilà. Elle met des trucs chelous, des espèces de torchons là. C'est qu'on voit des trucs à la télé, c'est magnifique. Hein. Ouais, magnifique. Christina Cordula, qui c'est qui irait faire l'émission? T'irais toi, Romano? Ah non. Ah, moi non plus pour me faire traiter dans la rue. Ah bah oui, mais il est moche. Il y a le gila. Cariole, tu le ferais toi? Non, jamais de la vie. Jamais, Karim? Non, jamais, gros. T'irais pas avec ton jogging? Non. Ah bah les joggings, c'est pas magnifique. Je suis sûr Rémi qui ferait lui. Oui. De quoi? D'aller quoi? D'aller voir Christina Cordula. Il s'est inscrit. Non, je me suis pas inscrit. Si tu vas, ça veut dire que t'es moche. Oui, oui. Nouveau look pour. Bah, oui, vas-y alors, Karim. Vas-y, pardon, Rémi. Allez-y tous les deux. Allez-y tous. Allez, tout le monde chez Christina Cordula. Et Soprano pour se réveiller ce matin. Je suis en feu. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le reste de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Je suis en feu. Soprano du matin, c'était Chien Feu et Soprano a gagné dans la roulette, c'est tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure, on lancera le top pour la roulette, pour y gagner Soprano, en tournée dans toute la France avec Skyrock, en tournée vraiment, vraiment dans toute la France. Il y a un nombre de dates, je vais pas tout vous citer, c'est sur les réseaux de Skyrock, vous pouvez aller mater ça sur le skyrock.fm. Entre autres, exactement, Romano, et vos places à gagner sur Skyrock et uniquement sur Sky, c'est avant 9h du matin. Les conseils pas chers arrivent dans moins de 10 minutes, le rendez-vous des conseils pas chers, et ce matin on va parler, couple. Oui, couple et séparation plus particulièrement. Ah, ouais, si vous êtes déjà fait larguer ou si vous avez largué d'ailleurs aussi après les vacances, puisqu'on est après les vacances. Et il y a beaucoup de largages, on va reparler avec toi Romano, tu vas nous expliquer ça. Beaucoup de largages qui ont lieu juste après les vacances. Bah, en ce moment c'est un peu le pic des ruptures. Le pic des ruptures c'est maintenant, donc faites gaffe si vous êtes en couple. Heureusement Skyrock, ça va peut-être pas durer. Le morning vous dit tout, les conseils pas chers vous disent tout, et essaye même d'en profiter, on va gagner des sous. Ouais. Bon, on s'occupe de ça, mais d'abord les infos avec toi Rémi. Bah et ouais. Juste après vos 1 500 € à gagner. 1 500 € peut-être pour vous. Après Toulon, où est-ce qu'on va aller? Bah, on vous dira ça juste après l'actu. Chez toi, c'est pas sûr. On fait le point sur la météo tout de suite, Rémi. Et ouais, encore une belle journée. Hein. Le ciel un petit peu voilé quand même dans le nord et notamment sur les Hauts-de-France. Attention, si vous êtes dans l'ouest, principalement dans le sud-ouest, ça va se gâter en fin de journée. On attend des orages, de la grêle, des rafales de vent, etc. Enfin, la totale. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange. Cela concerne tous ceux du Poitou-Charentes, de l'Aquitaine, mais aussi le Gers et les Hautes-Pyrénées. Les températures ce matin, il fait déjà bon. Hein. Vous en êtes aperçu si vous êtes sorti dehors. Entre 21 et 28 degrés quasiment partout, et puis ça dépassera aisément les 30 cet après-midi, hormis sur la Bretagne et sur la côte atlantique où on sera entre 21 et 27. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 4 et 5, 5 à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Mulhouse. Et toute l'actu tout de suite sur Skyrock, c'est parti. Faut-il autoriser les lycéens à fumer dans l'enceinte de leur établissement? C'est un petit peu le casse-tête des proviseurs là depuis la rentrée. Les lycéens n'ont pas le droit de fumer au bahut, ça vous le savez, mais en même temps, le plan Vigipirate leur interdit de se regrouper en dehors. Du coup, certains chefs d'établissement passe outre et d'autres demandent le retour de la clope dans la cour. Et bien fin de non-recevoir de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, estime hier qu'on ne peut pas renoncer à la loi Evin. 464 €, c'est en moyenne ce qui manque aux Français à la fin du mois. 20% serait dans le rouge à la banque de manière régulière. Résultat d'une enquête publiée ce matin par Cofidis. Une mutinerie taille XXL à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Elle a duré plus de 5 heures. Une soixantaine de détenus ont refusé de rejoindre leur cellule. Ils ont déclenché un incendie et se sont emparés d'un bâtiment après avoir volé les clés d'un gardien. D'importants moyens ont été déployés pour faire revenir le calme. 11 personnes ont été légèrement blessées. Objectif, sauver le soldat Alstom. Le gouvernement l'a assuré hier, non, il n'y aura pas de délocalisation d'emploi chez le constructeur de trains. La direction a annoncé la semaine dernière l'arrêt de son site de production à Belfort. Quelques 400 salariés semblaient condamnés à quitter la région pour s'installer en Alsace où il y a un autre site. Manuel Valls a rappelé hier que l'État a déjà sauvé l'entreprise et peut encore le faire à condition qu'elle joue le jeu. On fait le point sur le sport et évidemment, la Champions League, le retour de Paris en Champions League, c'est ce soir. Ouais, les hommes d'Unai Emery accueillent les Gunners d'Arsenal ce soir à 20h45. Ce sera sans Ben Arfa qui suivra le match, non pas du banc, mais carrément des tribunes du parc, voire carrément de chez lui. Le coach a décidé de ne pas le retenir dans la liste. Un coup dur pour l'ancien niçois et un malaise qui semble profond avec l'entraîneur. Mais bon, rien n'est figé, donc on espère que Ben Arfa va pouvoir bientôt le séduire, en tout cas sur le terrain. Rendez-vous ce soir dans la Radio Libre pour suivre cette rencontre. Compte en direct, Unai Emery devrait aligner un 4-3-3. Allez, on se risque à faire une petite liste là. En défense, Aurier, Marquinhos, Silva et Maxwell. Au milieu, Verratti à droite, à Rabiot à gauche avec Krikoviak en sentinelle. Et puis en attaque, Cavani en pointe, Di Maria à sa droite et Blaise Matuidi à gauche. Logiquement, ça devrait être ça. Bien sûr, avec Trapp dans les buts. Et puis du côté d'Arsenal, Arsène Wenger a confirmé la présence de Koscielny. On est un petit peu inquiet. Le Français avait été touché au visage en première ligue ce week-end. Mais finalement, tout va bien. L'épilogue de la 6e journée de Ligue 2. Strasbourg a dominé 3-2. Belle performance des Alsaciens qui leur permet d'être deuxième du classement. À un petit point, Damien. Bravo, l'Alsace. Merci, Rémi, pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et le morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, eh ben c'est Skyrock. Tous les matins en direct. Il y a une heure, il gagnait. C'est Abdou. Je vous souhaite autant de chance. Vérifiez bien les téléphones. Guettez bien les téléphones. On arrive. Oui, on arrive tout de suite. Je vais ouvrir l'enveloppe. Elle est là. Et dans un instant, donc, on va parler des régions de France, même des départements de France, où on se sépare le plus et où on se sépare le moins. C'est ça. C'est ce qu'on va faire avec vous. D'ailleurs, merci pour les messages que vous nous envoyez. Je voyais Urija42 qui nous disait « Moi, ma meuf, elle m'a largué par SMS. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. » Ah merde, c'est mignon. Ouais, mais ça, c'est une connasse. Ah, tu l'as... Même les filles, si ça vous est arrivé, un mec qui vous largue par SMS, c'est un connard. Bah évidemment, ça se fait pas quand même. Tu es d'accord, carrément. Évidemment que je suis d'accord. Après 2 ans d'amour comme ça, tu largues pas par SMS. Non mais oh, connard. Ah, connard. Bon, on est avec toi, Urija. On est avec toi. Tiens, moi, je me suis fait larguer aussi, nous dit Snoop, juste après les vacances pour Snoop. Snoop, 21 ans. Salut à toi, Snoop. Tiens, il y a Adi Levic. Bonjour, l'équipe. Je voudrais raconter mon histoire aussi. Ma femme voulait me larguer juste après les vacances. Ah, oh, elle voulait, mais elle l'a pas fait, peut-être. Non. Il l'a empêché. Dites-nous si vous avez eu une séparation, si vous êtes séparés. de votre fête ou du fête de votre chérie. Vous nous racontez ça, vous nous laissez vos messages et on en reparle. Et bien juste après pour les conseils pas chers. Ouais. C'est nouveau, c'est dans le morning depuis la rentrée. Bon, les conseils pas chers sont à 42 chaque heure, donc ça arrive. Ouais. Mais c'est nouveau aussi, c'est la compile du jour. Oui. La compile du morning. Aujourd'hui, on va aller faire un tour sur le Guinness Book des records. Ouais. Ah ouais. Le livre des records. La compile des records, à mon avis c'est des records un peu spéciaux, on découvre ça avant 9h du matin. Mais tout de suite, allez, 1500 euros. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait... Oh là là là là, le rêve. Dès le réveil, dès le réveil. Et le morning qui vous offre 1500 euros tout de suite, c'est parti. L'enveloppe est ouverte, je l'ai magnifiquement ouverte et je vous annonce qu'on va aller dans l'Est de la France. Si vous nous écoutez dans l'Est, c'est peut-être pour vous. On va même dans le 67, c'est-à-dire en Alsace. Dans le Bas-Rhin. Bas-Rhin. Et à Strasbourg. Strasbourg. C'est bien qu'on aille à Strasbourg parce qu'on est depuis pas longtemps à Strasbourg. Ça fait à peine 6 mois que Skyrock est à Strasbourg. On va voir si vous écoutez déjà Sky à Strasbourg. On arrive ouais. déjà. J'espère. Chez Philippe Lecourt. Bonne chance au Lecourt ce matin. On les appelle. On va leur demander quelle est leur radio préférée. S'ils répondent Skyrock, ils gagnent 1500 euros. Ça sonne. Ça sonne à Strasbourg. 96 FM pour nous écouter à ouais. Strasbourg. Allô? Oui, bonjour monsieur Lecourt. Oui. Oui. C'est la radio, Philippe. On est en direct à la radio, Philippe. Oui. On t'a tiré au sort ce matin et on t'appelle pour t'offrir des sous. Oh putain, c'est Skyrock. Oh déjà, putain, à Strasbourg, vous êtes déjà tous branchés sur Sky, c'est cool. Ah, je vous écoutais. Ah bah, j'étais en train de vous écouter. Et ah bah, donc, parfait. Et bah, donc si je te demande quelle est ta radio préférée, putain. Philippe. C'est Skyrock. Eh bah, c'est gagné. C'est gagné. Bravo, bravo Philippe. Bravo, putain, ouais. C'est génial. Eh, bien joué, Philippe. Tu viens. Ah, refait. Ça fait du bien là. Ah bah oui, ça fait du bien. Eh, hey, je disais en plus il y a deux minutes, ça fait 6 mois qu'on est arrivé à Strasbourg, on va faire un petit test. Eh ben ça a marché, dis donc. Bravo hein. Déjà branché sur Sky. Moi je suis chauffeur livreur, je vous écoute tous les matins et c'est une tuerie. Ça fait du bien. Eh ben ça fait plaisir. Ça te plaît Skyrock alors? Ah, y'a pas de problème. Moi aussi, j'adore. Vous savez que c'est ma radio préférée. Hein Skyrock, ouais. Ah, ouais, aussi. Ouais. Pareil. Alors, bravo Philippe, 1500 euros à Strasbourg. Ah putain, ça fait plaisir. Ce matin, tu fais quoi dans la vie? T'es chauffeur livreur. Chauffeur livreur. Tu livres quoi? Du linge, des habits, un peu de tout. Ah, je te passe immédiatement Romano, que tu connais peut-être déjà. Hein. Ouais, je crois qu'il y a des trucs que j'ai commandés dans ton camion, il faudrait me les amener. Ah ben, y a pas de problème. On va s'arranger. Tu vérifies, c'est pas son nom, hein, c'est un truc un peu. Ouais. Bon, très bien. Mais on peut s'arranger, Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1500 euros, Philippe? Eh ben, je déménage à la fin du mois, donc ça va faire bien plaisir. Ça parfait, va ouais, mettre un peu de beurre dans les épinards. Ça va faire du bien aux finances, oui, ça c'est clair. Ah oui, ça. Eh bien, félicitations, Philippe. Encore un chèque de 1500 euros. Eh les filles, alors ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des gars qui gagnent. Ouais, bah écoute. Hein. Pour les 1500 euros, en tout cas. Ouais. Bravo Abdou, tout à l'heure à Toulon, il a gagné. Bravo à toi, Philippe, à Strasbourg. Merci à vous. Et ben les Strasbourgeois aussi. Inscrivez-vous d'ailleurs hein, si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous allez sur le 7-20-20, vous envoyez 1500 au 7-20-20. Ouais. Et après on vous appelle et vous gagnez. Et vous gagnez 1500 euros. Bravo. Philippe, c'est génial. Tu raccroches pas, on t'envoie le chèque très très vite à la maison. D'accord, pas de problème. Salut Philippe. Ciao Philippe. Ciao Strasbourg. Et je te souhaite Romano de gagner au moins la même chose tout de suite. Bah j'espère. Juste après le son de Justin Timberlake. Oui. C'est Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. I got that sunshine in my pocket. De l'été, ça fait toujours du bien de le réécouter, mais ça me rappelle quand je dansais comme un fou sur les dance floors cet été. Sur les plages, tout ça. Sur les plages aussi, je dansais sur la plage. En pleine journée, sous son parasol. Oui, oui, je me dis. C'était mon casque et je dansais, les gens regardaient. Ah ouais, alors, magnifique. Tu danses aussi bien que Justin Timberlake. Aussi bien. Can't Stop the Feeling qu'on vient d'écouter à 8h44 sur Skyrock. Attention, vous allez connaître les départements dans lesquels on se sépare le plus. Et dans lesquels on se sépare le moins. Oui, il y a les deux. Vous allez savoir si vous êtes dans un département à risque ce matin, c'est dans les conseils pas chers. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je ne laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics ? Non. Romano, le roi des escrocs. C'est déjà arrivé, Romano, les flics. Hein. Oui, je sais bien, mais bon, la dame me demande à chaque fois, je dis non. Il y a plein de messages que vous nous laissez. Et en effet, vous êtes plein. Vous êtes embrouillé pendant les vacances et avoir cassé après les vacances. Il y a le message de TF1 sur le 41759. Bonjour TF1 qui nous Bonjour à ça. TF1, oui. Qui lui s'est fait larguer par sa meuf juste après les vacances. Je crois qu'elle a profité de moi et qu'elle a profité de l'appart que j'avais au Cap d'Agde. Oh non. Non, mais c'est possible, hein. C'est... Oh non. Tu crois que les gens sont comme ça, profitent des autres, Romain? Il y en a, hein. Toi qui ne le fais jamais. Dis-nous. Non, mais moi, je profite pas comme ça, moi. Non. Je joue pas sur les sentiments. Tiens, l'année dernière, mon ex m'a quitté le 1er septembre, jour de la rentrée. C'est BN164 qui nous envoie le message. Il a 17 ans. Salut à toi, BN164. Il y a Sully aussi. Elle m'a largué comme une merde cet été. Ça faisait 7 ans. Oh, 7 ans. Ouais. Ah ouais. Mais tant mieux, j'ai retrouvé celle que je voulais. Oui, mais c'est vrai. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Une de perdue, hein. 10 de retrouvée. Enfin, oui. au moins une. Ouais, au moins la bonne, là. Tiens, je me suis fait larguer hier. Oh, ma pauvre Méline. Méline, 30 ans, qui nous envoie un message. Mais la vie continue. Mélinda, je vous écoute tous les matins. Appelez-moi pour les 1500 euros. J'espère qu'on va t'appeler, Méline. On te fait un gros bisou, Méline. Bon, les départements où on divorce. Alors, le moins d'abord. Ouais, le moins d'abord. On garde le meilleur pour la fin, bien sûr. Le département qui divorce le moins, c'est les Côtes d'Armor. Bravo, qui se sépare le moins les Côtes d'Armor. Bravo, les Côtes d'Armor. Bravo. Ensuite, la Bretagne. Le Cantal. Le Cantal, parce qu'il y a Chantal. Voilà. La Lozère. Oui. Les Hautes-Alpes. Ouais. La Haute-Loire. La Mayenne. L'Aveyron. Le Loir-et-Cher. La Vendée et le Finistère. Ça, c'est les 10 départements où on se sépare le moins. Ouais, alors là, maintenant, voici où on se sépare le plus. Moi, j'ai une idée, moi. Attention. Voici tout de suite les départements où on se sépare le plus. Vous allez savoir si vous êtes dans un département à risque ce matin. Ah, il y a des largages qui se passent bien. Elle m'a largué le lendemain, on s'est revu, elle m'a fait une fellation. C'est gentil ça. Ah, c'est mignon ça. C'est le cadeau de retrouvailles. C'est sympa comme retrouvailles, ouais. Voici donc les départements où on se sépare le plus. Romano, quel est le département? Tu penses à quoi, Cariole? Île-de-France. Donc c'est pas un département, donc Paris. Région, ouais, Paris. Un truc de la région Paris. Oui. Voilà, c'est clair, en tout cas comme réponse. Eh bien non, pas du tout. Eh ben pas du tout. Une fois de plus, t'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre amie. Non, c'est dans les 10, mais c'est pas le premier. C'est premier, c'est le Haut-Rhin. Ah bon? Ah ouais, le Haut-Rhin. Donc du côté de Colmar, Mulhouse, tout ça. Ouais. Eh bien, ami Alsacien, hein, ça divorce. Ça se sépare. Ça se sépare. Ah ouais, c'est là-bas qu'on divorce le plus ou qu'on se sépare le plus. Deuxième, c'est Paris. Ah, Paris quand même. Ensuite, le Tarn-et-Garonne, le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône. En fait, vous êtes dans le sud, c'est horrible. Ah ouais, Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, il y a un triplé gagnant là. Non, mais ensuite, il y a l'Hérault aussi. Ah ouais, toujours dans le sud. Gironde. Ah, les Bordelais. Lande et la Drôme. Ah ouais, ça se sépare très dans le sud. Ah bah c'est que le sud à part Paris et le Haut-Rhin. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, dans le sud, tu te sépares à coup sûr. Et donc, mais quelle est ton idée pour gagner des sous? Là, je suis en pleine procédure. C'est intéressant, mais bon. Je suis en pleine procédure de divorce. Ah ouais? Tu divorces avec qui? Avec la gothique. Oh, il divorce avec la gothique. Quelle catastrophe. Mais je me suis jamais marié avec elle, hein. Tu divorces avec la gothique. Non, mais je ne divorce pas avec ma gothique. T'en es vraiment sûr, parce qu'une telle histoire d'amour avec une fille. Non, mais c'est aussi fini, c'est particulier à un moment, hein. Une fille aussi. Belle, déjà. Non. Mais ça va, je vous permets pas de critiquer de la sorte mes ex. Aussi spécial. Ah ouais, tu te sépares de ta gothique. Ouais, je me sépare. Hashtag rest in peace, la gothique. Non, mais elle est pas morte, hein. Hashtag morning the D-Fool. Hashtag la gothique est pas morte. Non, elle est pas morte. Et donc, elle va me laisser sur la paille. Donc, j'ai demandé aux familles qu'elles me donnent un peu d'argent pour financer mon divorce. Ah, tu fais une quête auprès des gens. Ah ouais, ouais. Pas con, ouais. Ah, il faut qu'ils m'aident. On va voir si les gens sont gentils, tiens. Bah, j'imagine que oui. Bah, j'en suis sûr, moi aussi. Un mec qui t'appelle, qui te dit je divorce, donne-moi des sous. Je lui donne immédiatement rien. Ah, bah, c'est gentil. Allez, c'est parti. On va chez Michel. Chez Michel. Est-ce que Michel va être généreux ce matin? J'espère, je croise les doigts. J'espère pour toi, oui. Michel. Es-tu là? Ah, bah, pour l'instant, non. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, continue. Ah, tu vois, regarde, Michel. Allô, bonjour, voilà. Vous êtes bien chez Michel et Daniel. Hein? Nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message. Non, ça ira. Ou nous rappeler au 06. Non, ça va aller. Merci Michel et Daniel. C'était Michel et Daniel. Ouais. Mais ils n'étaient pas là. Merci. 06. Ah oui, il répète. Oui, non, mais c'est bon, ça va. Allô? Ah, allô? Ouais, allô, Serge. Ouais, salut, Serge. Salut. Ouais, Serge, comment vas-tu? Eh ben, écoute, on va, ça y est, je te remets, ouais. Ouais, alors tu me remets, bah, dis donc, j'étais à la prendre une bien bonne, ça y est, je divorce. C'est pas vrai. Ah bah, si, elle se barre. Elle se barre, et tu sais qu'elle veut tout me piquer. Merde. Ah ouais? Ah bah, ça, je te le dis comme ça, un peu brutalement. Serge, je vais avoir besoin de toi. De quel point de vue? Financier. Et moral aussi. D'accord. Bon, Serge, est-ce que tu pourrais me dépanner d'un peu d'argent? Parce que tu sais qu'elle s'est barrée avec tout, mes cartes bleues, les chéquiers, le liquide, tout. Elle me laisse sur la paille, la bourrique. Ouais. Ouais. Je peux passer chez toi ce matin? Tu me dépannes de 200. Non, non. Si, je vais passer. Non. Tu me dépannes de 200 euros? Non, j'ai pas de sous et puis je dépanne pas. Bah, tu me les donnes alors. Sois sympa. Comment? Bah, tu me les donnes carrément. Ouais. Si ça te gêne de me dépanner, tu me fais un don. Okay. Je les accepte aussi. Je passerai vers 9h, 9h30. Non, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, Serge, putain, t'es un salaud, on est copains quand même. Non, on n'est pas copains, non. Allez, Serge. Non. Faut être solidaire avec les gens qui sont dans la difficulté. Je te laisse, salut. Oh non, non, Serge, pars pas comme ça, mais tu vas pas me laisser en détresse. Oh là là. Serge, ta gothique te quitte et en plus, il te donne pas de sous. Ça, c'est mais elle me quitte pas, je ne suis plus avec elle. C'est vraiment pas sympa. Et en plus, elle veut tout prendre, le cercueil dans lequel vous dormiez. Non, mais ça, je lui laisse. À la limite, qu'elle se mette dedans, je vais visser pour qu'elle sorte plus. Bon. Alors, on a essayé quand même un deuxième. Oui, quand même. Allez, on te laisse une deuxième chance. Chez Hervé, ouais. Au début, je pensais que t'étais bien parti. Il me dit, ouais, je te remets. Je me suis dit, ouais, c'est un pote. Hervé? Allô? Ah, ça c'est la femme d'Hervé, comment vas-tu? Ben ça va, très bien. Tu sais que moi ça va pas des masses. Hein. Ah bon? Ma femme se barre. Hein? Ah ben on divorce. C'est qui à l'appareil? Eh ben c'est Jean-Louis. Jean-Louis? Il est là, Hervé? Non, il est pas là. C'est Jean-Louis David, le coiffeur. Jean-Louis David, le coiffeur, oui. Oui. Eh ben ça y est, je t'annonce la nouvelle, je divorce. Ma femme se barre, elle me prend tout le pognon. Hervé, il m'avait promis qu'il me prêterait 200 euros. Je crois qu'elle s'est barrée. Je peux passer les prendre? Elle a aucun cœur. Les gens sont vraiment pas gentils. Des monstres. Ils sont pas gentils. Les gens sont des monstres, oui. C'est vrai qu'elle, quand t'appelles dans la difficulté comme ça, il vient de se séparer de sa gothique. Alors qu'il était tellement amoureux d'elle. Mais je ne suis plus avec elle. Bah oui, je sais, tu viens de le dire, tu viens de te faire larguer. Elle ne me fait larguer du tout, c'est moi qui l'ai jeté en l'air. Et elle veut te prendre toute ta thune. La carriole, elle peut témoigner, elle était à côté de moi quand j'ai largué. C'est vrai. La pauvre. Ouais, elle était triste. Pauvre gothique. Pauvre gothique. Mais écoute, tu ne mérites pas d'argent, c'est bien. Ouais, merci, super. Non, mais jusqu'ici, tous les conseils pas chers c'était bien passé. Là, hop, un conseil pas cher avec ta gothique. Paf, elle te porte la poisse, là. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai, quand il est resté avec elle, il a perdu tous ses cheveux. C'est vrai en plus. Ouais, c'est ta faute. Ouais, quoi, depuis, ils sont pas revenus. Non. Elle non plus d'ailleurs. Non, mais c'est bon, je veux pas bien qu'elle revienne. Dans un instant, la compile du jour, on va faire un petit tour sur les nouveaux records du Guinness Book de cette année. Le livre des records, voilà. Tu veux dire. On va faire un petit tour sur la compile des nouveaux records de cette année 2017. Il y a la nouvelle édition qui sort et tous les ans des nouveaux records apparaissent. Ouais, alors attention, les records qui déchirent, on aura même des photos à mettre sur les réseaux. On vous en reparle tout de suite et puis ne loupez pas l'horoscope de l'amour. concours, c'est dans une minute. C'est sur Skyrock. Et puis le son de Ken Jones, il arrive aussi, un des cartons Sky de cet été, c'est Don't Mind. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Allez, 8h53. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et c'est l'heure de notre horoscope, l'horoscope de l'amour. Romano, allez, tu es un petit Verseau, nous demandais les signes. Quels sont les signes des membres de l'équipe ? Verseau, moi. C'est Chris qui nous laissait le message. Bon, Verseau, Romano, Cariole, tu es Sagittaire. C'est ça. Très bien. Karim, tu es un magnifique Capricorne. Ouais, ouais. Rémi, il est quoi ? Il est vierge ? Je crois qu'il est vierge, non ? Il est con, non ? C'est gratuit. C'est beau les blagues gratuites comme ça. Ouais. Et toi Sam, t'es quoi? Scorpion. Scorpion. Le pauvre. Ça fait plaisir. Non mais c'est vilain Scorpion, ça n'est. Non mais oui, c'est vrai que c'est pas l'animal le plus beau au monde. Après, c'est pas toi qui as choisi ton signe. C'est ça. Là, ça tape comme tout le monde. Voici votre horoscope, l'horoscope de ce mardi 13 septembre. On va commencer par les Vierges et les Poissons. Vous êtes à zéro aujourd'hui, puissance amoureuse à zéro à cause des hypocrites. Faites gaffe aux hypocrites aujourd'hui. Ne vous confiez pas au premier venu, risque de vous bousiller votre journée. Sinon, dans ce cas-là, si vous confiez pas au premier venu, tout ira bien. Ok, quand même du positif pour les Vierges et les Poissons. 1 sur 5, les Cancers et les Taureaux, vous sentez la jalousie vous envahir. Attention, attention, les mauvaises conseillères, ne réagissez pas à chaud. 2 sur 5, les Scorpions et les Lions, si vous êtes célibataire, ne vous énervez pas si quelqu'un vous résiste. Tenez de bon le cap, vous y arriverez avec un peu d'effort. Et pour les couples, votre partenaire aura besoin d'un peu de votre soutien aujourd'hui. Soyez sympa avec lui, Scorpion, Lion 2. 3, les Capricornes et les Gémeaux, les amis, la famille, les collègues, tous les gens qui vous aiment pourront compter sur vous. Et vous aussi, vous pourrez compter sur eux. 4 sur 5, les Verseaux, tiens. Ouais. Et les Balances, c'est votre petit côté inaccessible qui va vous rendre irrésistible aujourd'hui. Et 5 sur 5, c'est encore mieux pour les Sagittaires, tu vois. Comme moi, ouais. Et les Béliers, alerte canicule du côté de vos amours, ça va être très très très chaud en ce mardi. Je te sens chaud. Profitez bien, tu la sens chaude ouais, aussi. Ouais, à côté de moi, je la sens bien chaude. Ouais, je pense que c'est grâce à toi. Mais je crois aussi ce que je me disais. Elle est en train de te kiffer. Donc, c'est l'horoscope, quoi, je pense plus. Bon, la compile du jour, elle arrive, la compile du morning, les nouveaux records du livre des records. On en parle, allez. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. D'ailleurs, si vous avez déjà vu des records à la con, dites-nous, laissez-nous vos messages, voilà. Parce qu'on les a pas tous. Hein. Vous avez des records à la con à nous laisser, voilà. Allez-y, on en reparle. Après Ken Jones, une découverte Skyrock, c'est Don't Mind à 8h55. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boulet. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boulet. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. call. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, though, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ben Jones sur Skyrock, Don't Mind à 8h58 et on va découvrir la compile du morning, la compile du morning tous les matins. Juste avant 9h, on se fait une petite compile et la compile du jour, c'est les nouveaux records du nouveau livre des records, le livre des records 2017, le Guinness Book 2017. Ouais. Non, Jérém de Lens, Difool n'est pas recordman du plus long nez du monde. Non, non, il y a pire. Ah, tu l'as pas cette année le record? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'ai le non, record? Non, mais il y a un mec. Regarde Zlatan, par exemple, un nez beaucoup plus long que le mien. Non, mais il y a un vieux qui en a beaucoup. Il y a le record du plus long pif. Ça existe dans le record, le record du plus long pif du monde. Non, mais le mec, il a un pif, laisse tomber, il tombe dans la bouche, quoi. Ah, bah, tu vois que c'est pas moi. Il a un tarin, le mec, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Merci, Jérém de Lens, pour la proposition. Les records à la con, éclater des pastèques avec dessin. Ouais, mais ça existe déjà, ouais. Nous dit Miss Stone, casser des noix avec son cul, c'est débile, mais ça existe, exactement. Ouais. Bah, il y a un mec aussi qui casse des lunettes de chiottes en leur mettant des coups de boule. Ah, ouais. C'est un ouf. Oui, oui. C'est un ouf, Mais comme l'autre, il y a un mec aussi qui éclate des pastèques à coups de boule. Oui, aussi, j'ai vu celui-là. Celui-là, il y a des vidéos qui tournent sur internet. Le mec, en fait, il se fait trop mal à la tête parce qu'il n'arrive pas à les éclater. Ouais, t'as les pastèques qui sont alignées. Le mec qui arrive et il se dit, oh, tiens, je vais foutre un coup de boule. Boum, boum, boum. Parce qu'il casse des noix avec son cul aussi. Oui, aussi. Et les pastèques, le mec, en fait, les premières, il n'y arrive pas. Il a le front ensemble et le mec, il continue. Bah, il veut être dans le Guinness Book. Absolument. Voici donc la compile du morning. La compile du morning de Difool sur Skyrock. C'est les nouveaux records, un nouveau record qu'on a sélectionné pour vous. Alors, on va commencer par le troisième, ça va te plaire, Karine. Ah ouais? Numéro 3. Numéro 3, il s'agit de Ludo. Ludo, qu'est-ce que c'est? C'est un chat. Oh. C'est le chat de Maine Coon. Elle s'appelle. Maine Coon. Elle a un nom de merde, elle s'appelle Coon, c'est pas sa faute. C'est le chat le plus grand du monde. Il mesure 1m18. Non, je te crois. Le machin, c'est un tigre. Oh, ah, c'est trop mignon. Ouais. Ah non, mais elle l'a dans les bras, mais il est énorme. Ouais. Ah oui, il est énorme. On va vous le mettre en photo. Regarde comme il est beau, le petit chat. Oh là là, j'adore. C'est trop beau. Ouais, c'est pas un petit chat, c'est un gros chat. Lui, il te griffe, mais il te défigure. Je vous dis, c'est un lion, le machin. Ouais, il est beau. Donc, le chat le plus long du monde mesure 1m18. Imaginez-vous, 1m18, c'est à peu près la taille de Romano. C'est vrai, en plus. Pas loin. Ouais, ouais, bah, quelques centimètres près, ouais. T'imagines un chat aussi grand que toi? Ah bah, je flippe, moi. Il monte comme ça, il fait. Ou alors, je peux lui monter dessus, tu sais. Ah, je peux faire un cheval. Ouais, comme ça, ou un poney, ouais. Essaye de monter sur un chat. Numéro 2. Numéro 2. Ah, on va dire bravo à Maxel Day. Alors Maxel, c'est un garçon, il a 14 ans. Alors lui, il a une particularité, il arrive à tourner ses pieds à 157 degrés. Alors pour que vous imaginiez, vous l'imaginez de face et en fait, il a les pieds à l'envers. Quasi à l'envers, ouais. Ouais, c'est comme si en fait vous aviez monté une espèce de robot et vous l'aviez mis les pieds à l'envers. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je montais des robots quand j'étais petit, j'aimais bien. Il était robotologue. Donc lui, il peut tourner ses pieds à 157 degrés, impressionnant, et selon lui, ça fait pas mal du tout. Essayez de tourner vos pieds, oh, tiens. Moi, non, mais on va se le péter, ouais, on va se péter la cheville. Je fais du 45 degrés à tout casser. Déjà 90, ça veut dire que t'as les pieds comme ça. Hein. Ouais. Tu marches un peu en canard. Bah, ouais. Comme Bozo le clown. Ouais, pareil, ouais. Et alors lui, ça va derrière les pieds. Bravo, Maxwell Day, félicitations, tu es deuxième de la compile du jour. Ça ne sert absolument à rien, mais bravo. Bravo quand même. Oui. Numéro 1. Et nous allons féliciter la granny du jour. Elle est numéro 1, elle s'appelle Charlotte Gutenberg, elle a 67 ans. Et elle a remporté le titre de la personne âgée la plus tatouée du monde. Ah ouais? Alors attention, 91,5% de la surface de son corps est recouverte de tatouages. Ah ouais, quand même. C'est horrible. Ah oh, la peau. On va vous la mettre en photo en slip, la Granny. Ça va être très sexe hein, sur les réseaux sociaux de Skyrock. Allez y faire un tour sur Snap, sur sur Insta, sur Facebook, sur difool.skyrock.com. Vous pouvez aller partout. Charlotte Gutenberg, très très belle. Je la montre d'ailleurs immédiatement à Cariole et à Karim. Oh, elle est très tatouée. Ouais. Et à Sam et Romano, tu l'as aussi? Oui, oui, j'ai vu l'engin. Alors, voilà. Tu l'as décrite. On en parlait en fin de semaine dernière. Elle est plus tatouée que Lil Wayne, par exemple. Ah oui, oui, elle est plus Lil Wayne, il est tatoué à 80%. Eh ben, elle, c'est 91,5. Bah, le seul truc qui est pas tatoué, bon, après, on voit pas ses parties orteils, génitales. Mais, les pieds, ouais, les orteils et la tête. Ah oui, elle s'est pas tatouée. Bah alors, Charlotte, pour l'année prochaine, faut tatouer la tête, ma chérie. Elle a le bout des pieds, ouais, qui sont pas tatoués. Oui. Encore un peu de place. Les orteils ne sont pas tatoués. Elle est numéro 1 de notre compil du jour, la Granny. Et vous aurez ces 3 nouveaux records du Guinness Book sur tous les réseaux de Skyrock. Vous avez les photos dans un instant. Même maintenant, ça y est. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Eh bien, dans 2 minutes, un petit peu plus, peut-être. On va faire tourner la roulette, le temps de vous laisser vous inscrire. Ah, et en fait, t'as dit une connerie. J'ai dit. Maine Coon. Maine Coon. Ouais. Ouais, c'est pas le nom de la meuf, c'est la race du chat en fait. Ah pardon. Ah, je me disais, c'est vraiment un nom de compte, ça s'appelait Coon. Et merci Nicolas qui a envoyé le message. Maine Coon, ce n'est pas un prénom, c'est la race de chat. D'accord, ok. Un chat de race Maine Coon. Ah, Maine Coon, yeah. Très bien, ben, j'aurais appris un truc. Vous voyez, on apprend toujours des trucs dans le morning. Allez, c'est parti. Inscription pour la roulette. Vous voulez aller voir Soprano en tournée avec Skyrock? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Vous allez sur le 72020, vous envoyez roulette. Roulette au 72020 et vous gagnez vos places pour aller voir Soprano en 2017. Il a choisi Skyrock, Sopra, pour sa nouvelle tournée dans toute la France, en concert dans toute la France. C'est forcément près de chez vous. Vous voulez vos places? Moi, je serai vous. Je m'inscris tout de suite. Allez, vite. Roulette au 72020 et on fait tourner tout de suite sur Sky. Déjà 9h04. Claire. Juliette, c'est toi qui m'as mis ça dans le chariot? Quoi, les déodorants compressés Dove? Ah bah, indispensable, maman. Tout petit, très efficace, idéal pour des aisselles plus belles, plus douces et une protection jusqu'à 48 heures. Tout ça dans ce truc tout petit? Oui, c'est le concept du compressé, maman. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le lot de 2 déodorants compressés Dove de 100 ml, plusieurs variétés au choix, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,88€, soit 14,40€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits extrêmement inflammables. Et même le prix compressé. Mais que tu es drôle! En panne au milieu de nulle part. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi ton appli Direct Assurance, voyons. Comme ça, on pourra se faire géolocaliser par la dépanneuse. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Bon, pas de panique, je vous envoie une dépanneuse dans l'heure, ne bougez pas. Et ça ne va rien vous coûter de plus. Ah, quelle super journée! C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et Bein Sport, avec ce soir, Paris Saint-Germain-Arsenal à 20h45 en exclusivité sur Bein Sport, et demain, Tottenham-Monaco à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et Bein Sport. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40€ tous les 100€ d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbes. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les paysages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15€. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Disneyland Paris. Chers parents, vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris? Mais vous hésitez. Parc Disneyland ou Parc Walt Disney Studio? Chanter avec la Reine des Neiges ou le nouveau spectacle Mickey et le Magicien? Eh bien, taradada! En ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul. Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. Roule Raoul. Cet été, Disneyland voit double. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries et sur disneylandparis.com. Spectacle Reine des Neiges jusqu'au 18 septembre. 6h-9h. The morning. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready. Matin, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Il est 9h09 sur Skyrock et on vous souhaite une belle journée, un bon réveil à vous et bonne chance à Alexia qui arrive avec nous. Elle est en direct à Lyon ce matin. Bonjour Alexia. Bonjour. Bonjour. Salut. Ma chérie. Bon, Alexia. Comment vas-tu Alex? Ben ça va super et vous? Ben écoutez, ça va bien aussi hein. Vous avez regardé la nouvelle émission de Yann Barthès hier sur TMC Quotidien. Non. Quotidien. Non, parce qu'on a les audiences qui viennent de tomber. Ça n'a pas trop mal marché d'ailleurs, Yann Barthès. Ouais, bon démarrage, ouais. Oui, j'aime bien Yann Barthès. J'ai regardé hier un petit peu, des petits bouts, tout ça. Plus d'un million. 1 300 000 en deuxième partie, 1 100 000 en première partie. 1 150 000 précisément en première partie. Voilà, et Cyrène Nouna, il fait combien lui? 1 200 000, je crois, hier. Skyrock premier sur les audiences. Ah, attends. 1 297 000. 1 297 000 pour Cyrène Nouna. Ouais. Oh, c'est serré, le match est serré, dites donc. Ouais. Bon, et toujours premier, c'est TF1, personne n'en parle, mais c'est TF1 qui est premier tous les soirs à cette heure-ci. Non, c'est France 3. Ah, c'est France 3. Ouais. Le journal régional. Ouais, France 3, le 19-20. C'est pas vrai. Ouais, 2 748 000. Mais comme tu es fort sur les audiences, Romano. Ensuite, c'est N'oubliez pas les paroles. Ah, deuxième. Ouais. Et après TF1. Et après TF1, ouais, avec Bienvenue à l'hôtel. Et après M6 avec Chasseur d'appartement. Voilà. Bon, ben voilà, c'était les petites audiences de ce matin. Ça vient de tomber, on vous les donne. Bon, Alexia, toi, tu t'en fous des audiences, t'as raison. Toi, tu veux des places de concert. Hein. Complètement. Ah, mais t'as raison. Soprano a gagné, c'est pour toi. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Alors, 200 places, il y en a forcément deux pour toi. Hein. Il passe à Lyon aussi, hein. Il sera partout. Bah, j'espère. Eh bien, on fait tourner ta roulette. C'est parti, Alex. Tu fais quoi de la vie à 21 ans, Alexia, toi? Je suis auxiliaire de vie à domicile. Ah, c'est bien ça, avec les papiers, les mamies. Et tu rends service. Et les personnes handicapées aussi. C'est bien. C'est super. Eh bien, Alexia, j'espère que tu vas gagner tes deux places de concert pour aller voir Sopra, la Halle, Tony Garnier à Lyon. Très bien. Très bien, on va voir. Hein. C'est bon. Oh, ça sent bon, c'est deux places pour Soprano au concert, en tournée avec Sky. Ouais. Bien joué. Super. Bien joué, Alex. Super. Tu vas y aller à la Tony Garnier. Tu y seras le 22 mars. Il passe à Lyon le 22 mars. Gros génial. Concert. Grosse tournée, la grosse tournée de Soprano avec Sky. Elle est pour toi. Ouais. Et t'as deux places, tu vas y aller avec merci. Qui? Merci. Bah, de rien. Avec mon petit frère. Ah bah en famille, super. Bah tu seras le petit frère pour toi. Comment il s'appelle le petit frère ? Il s'appelle Clément. Alors Clément, je t'annonce officiellement sur Skyrock dans le morning ce matin que Alexia t'a réservé une place et qu'elle ira avec toi au concert. Super. Ouais, la sueur, elle a assuré. Bravo Alex. On te fait un gros bisou. Salut les Lyonnais. Salut Alexia. Et à 9h12, c'est l'heure du Zap du Morning. Ça s'est passé ce matin. C'est le Zap du Morning sur Skyrock. Big up à Cédric d'ailleurs ce matin. Et Karim remplace allègrement Cédric ce matin. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que tu penses de ton nouveau voisin, Cariole ? Ouais, c'est toujours mieux que Cédric. Hein. Cédric, dédicace à toi de la part de Cariole également. On pense à toi et a priori tu nous manques beaucoup. C'est donc Roger. Roger, Karine Le Marchand, oui. La grande rencontre. La grande rencontre ce matin, c'est parti. Bonjour. Ça va ? Mais ça pourra aller, oui. Enchantée, Karine. Je vais faire un câlin tata caca. Bon, écoutez, les flics, ils arrivent, vous allez être branchés, vous allez voir. Ah oui, la belle bête. Mais t'es espèce de cocu, va. Écoute. Salut. Ah, t'es super en pom-pom girl, Cariole. Ah, magnifique. Salut. Salut à vous. Non, elle dit pas salut, elle dit seins nus. Non, salut. Ah, d'accord. Salut. Bah, t'es complètement con. Oui, bonjour, le restaurant Les Princes. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour la commande que vous avez faite sur Internet pour les caleçons et les culottes PSG. Ah bon ? J'étais pas au courant. Bah voilà, bah, donc je vais t'amener le matériel. Tu pourras me faire un petit défilé ? Ouais, bah si tu veux. Ouais. Et, c'est pas cher, le boxer, c'est seulement 80 euros. Tu le fais pièce, au double. Pièce. Et la culotte, c'est 60 euros. Ça ressemblait à une connerie de la radio, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein ? Non, pas du tout. J'ai rien de Skyrock. Non, alors là, je ne te permets pas. On est en direct à la radio, Abdou. Oui. Oui, on t'appelle ce matin, on t'a tiré au sort et on a 1500 euros à t'offrir. Quelle est ta radio préférée, Abdou ? La Skyrock. Eh bien, c'est gagné, Abdou. Bravo, Abdou. Bravo. Et tu viens de gagner en direct ce matin sur Skyrock. 1500 euros, Abdou. Bien joué. Ah, vous me prenez pour un con. On est en direct à la radio, Philippe. Oui. On t'a tiré au sort ce matin et on t'appelle pour t'offrir des sous. Oh putain, c'est Skyrock. Oh déjà, putain, à Strasbourg, vous êtes déjà tous branchés sur Sky, c'est cool. Ah, je vous écoutais. Ah bah, j'étais en train de vous écouter. Bah, donc si je te demande quelle est ta radio préférée, putain. Philippe. C'est Skyrock. Eh bah, ben, c'est gagné. C'est gagné. Bravo Philippe. Ouais. Putain, ça fait plaisir. C'est fait pour, ça fait plaisir, 1500 euros chez Philippe à Strasbourg et chez Abdou à Toulon, les deux gagnants de la matinée. Inscrivez-vous au 720, envoyez 1500 au 720 et peut-être que demain on vous appellera, vous envoyez aujourd'hui et demain on vous appelle. Allez, on fait comme ça, 1500 euros et puis vous répondez Skyrock. Dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. Tout simplement. Et oui, tout simple. Bon, on n'est pas en avance ce matin, 9h15, c'est l'heure de retrouver Fredo. Excuse-nous du retard, Fred. C'est pas grave, je vous attendais attentivement. Ça t'a plu. Et je vous écoutais aussi, pareil. Oui, nous aussi, ça nous a plus, on était contents. C'est bien. On reviendra demain. Ah bah voilà. C'est comme ça, Romano l'a décidé. Demain matin entre 6h et 9h. Ouais. Pour le morning, ce soir, pour la radio libre, on se retrouve. On prendra des nouvelles de Cédric ce soir. Ouais. Alors, on en est où là ? Et il a la clavicule, comme il nous dit, cassée. Non, mais c'est la douche surtout. Non, mais Je sais pas, le gars passe sa vie torse nu, il nous envoie des photos, il est toujours torse nu. Oui, tout le temps, ouais. Des photos sexy, j'en reçois plein, moi. C'est très très sexy. Mais il se cache un peu la poitrine à chaque fois. Vous avez de la chance. Oui. Ça reste érotique, c'est pas encore pornographique, on voit pas les tétons. Donc des nouvelles de Cédric ce soir entre 21h et minuit. Le match du PSG, ton équipe Fredo. Face à Arsenal. Qu'est-ce qui se passe au PSG dis donc? On joue la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça un petit peu le problème, donc forcément. Donc ce soir la Champions League. Il y a toujours un peu de pression avant, mais vous inquiétez pas, ce soir tout va se débloquer. On suivra aussi Monaco et Lyon qui vont jouer demain. C'est la Champions League, c'est sur Skyrock. Et c'est ce soir avec toute l'équipe de la Radio Libre entre 21h et minuit. Passez une bonne matinée toute l'équipe. Merci. Bonne journée même. On peut même dire une bonne journée. La matinée, c'est toi qui t'en occupe, Fred. Ça y est, quand vous voulez. Sur la première radio urbaine mondiale. Vous me donnez Fred, le top, je suis prêt. Let's go, Fredo. Let's go. Ciao, ciao. Et à tout à l'heure, 21h. Ciao. À toutes. Ciao. Ciao, ciao à toutes. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée. Bienvenue à vous tous. Rap R&B non-stop. On va débuter avec Lil Wayne. Il n'est pas tout seul sur ce morceau. Il y a du monde. Il y a Wiz Khalifa. Il y a Ty Dolla Sign également. Voici Sucker for Pain. I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the sniper squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave to your game. Pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I've been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion from my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up. I know what up, I know what up. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave to your game. Pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. Devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the knot pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain, it ain't nothing but pain. You just fucking complain, you ain't tough as you claim. Just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Lil Wayne, Sucker for Pain, à l'instant. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Bougez pas, le retour du son sur Skyrock qui sera signé par Drake et One Dance. Alonso et Binta aussi, ça arrive juste après ça sur Skyrock. Planet. Ladies and gentlemen. Le jeu de la pièce, c'est simple. Des pièces de monnaie, des potes, un mur. Celui qui jette sa pièce le plus près du mur sans le toucher remporte la mise. À vous de jouer toute la semaine dans Planet Rap. La pièce, c'est le premier film du Watibé. Avec une pièce, on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait que Planet Rap. Planet Rap reçoit les rappeurs de la bande-son et l'équipe du film. Planet Rap, la pièce. Planet Rap. Planet Rap. Le premier film du Watibé. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock. Et sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Avec le vidéo live comme si t'y étais. Planet Rap. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer. C'est Skyrock. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Quix. Braqueur en Blu-ray, DVD et VOD. Avec Skyrock. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but!

this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Skyrock avec Rihanna à l'instant sur Skyrock. Et s'il y a bien un album qui est attendu pour cette rentrée 2016, c'est celui qui sortira vendredi, l'album de PNL, album des deux frangins du côté du 9-1. Je suis QLF, c'est le nom du morceau qu'on va écouter maintenant. Et donc vendredi, sortie de cet album, d'ailleurs on fera une spéciale, ce sera dans La Nocturne, juste après Difool, vendredi soir aux alentours de minuit. Restez bien à l'écoute sur Skyrock. Les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le scène. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on navigue. La jungle elle s'en voit ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Et quoi, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Majeur traverse le ciel. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. Pourquoi je déraille? 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. J'fais plus ta gare, QLF se fait le rap FR. L'odeur de la mer, j'sens qu'il est temps de se refaire. J'suis bien chez père, j'rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. J'ai souri à la merde, souri à l'envers, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. J'prends mon oseille, je chante, j'me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète Nyax, véritable. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète, personne ne nous inquiète. Dans le vide, vois le monde en entier. Le monde en entier, le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. Skyrock.

a summer shade. Nose dive in the floodlines. Tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side. Older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life. Up for air from the swimming pool. You kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive. And make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love.